IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très, très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oh, waouh! Waouh! Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Je suis Florent Bernard, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Comment vas-tu, Adrien? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. On fait une émission le matin, ce qui n'est pas ce qu'on fait le plus. Mais fin de matinée, il est presque midi. Ouais. C'est vrai. Et comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés d'excellents invités. La première est humoriste, autrice et comédienne. Sa puissance scénique, couplée à son léger strabisme, en font un peu la Dalida de l'humour. Même si on lui souhaite une life peut-être un peu plus funky fraîche que Dalida. Son spectacle Ça passe part en tournée dans toute la France à partir du 28 janvier avec 3 Trianon en juin 2023. Wow, c'est Laura Felpa. Non mais il bosse, hein. Mais franchement, il le fait super bien. Il fait pas que chémer sur le physique, hein. Il bosse. Ah ouais, Mais que serait Dalida sans Orlando? Que serait Céline Dion sans Jean-Jacques Goldman? Que serait France Gall sans Michel Berger? Comme tous ces hommes, il est l'auteur de La Diva, mais aussi interprète. Non seulement il est drôle, mais il joue et chante aussi très bien. Je suis ravi de le recevoir pour la première fois dans le podcast. C'est Cédric Salin. Bonsoir, bonsoir. Il avait tout prévu. C'était vraiment mon Orlando, j'ai jamais pensé magnifique. À ça. Magnifique. Oui, parce que tu vas me succéder et prendre toute ma fortune. Mais Dalida, surtout, c'est pas gratos, parce que tu rends hommage à Dalida dans, dans ton spectacle. Parce que je l'ai vu, son spectacle. Tu l'as vu il y a longtemps maintenant, il a un peu changé. Très mal assis, mais je l'ai vu. Franchement, est-ce qu'il faut qu'on fasse un point sur cette histoire? Parce que tout le monde croit, tout le monde croit que j'étais assis sur cette chaise, comme ça, sans aucun respect. C'est ça. Il faut savoir qu'il m'a dit au dernier moment, je vais passer. J'ai dit, je n'ai plus de place. Il m'a dit, tu me mets une chaise de merde. Non. Ce que j'ai alors, fait. Attention, non, attention, réglez vos comptes, réglez vos comptes. J'ai pas spécialement demandé à ce qu'elle soit de merde. Mais. Tu m'aurais envoyé un petit MMS avec la chaise, je t'aurais dit oui, bon bah trouvons une autre date. Non mais écoutez, je vais mettre effectivement un point à cette histoire. Le spectacle était tellement bien que j'en ai oublié que j'étais si mal assis. Oh, voilà. Non mais c'est vrai. Bière et duc. Mais bière et duc. Le bouche à oreille, c'est super important. Parlez-en autour de vous. Avant de commencer, Adrien, j'ai un petit message pour toi. Parce que j'ai reçu un message de ma mère. Ah, j'ai cru qu'il allait. Non, non, non. J'ai reçu un message de ma mère qui m'a quand même bien fait rire. Il se décompose, Adrien. Il est non, non. Écoute, si tu le dis à l'antenne, c'est que oui. ça change des MP qu'elle m'envoie. Quoi. Il faut que tu saches que dans un groupe de conversation qu'elle a avec des amis, tu es une star, apparemment. Tu es une vedette. Et alors, une de ses amies a envoyé « Oh là là, quand je me sens déprimé, il existe une solution radicale. » Et elle a une photo de moi où j'ai une gueule de con. Une photo de toi où t'as une tête de con. Ça date d'hier. Oui. Et elle, bah oui, c'est très récent. Et elle met le message, je regarde sa tête et ça va mieux. Écoute, je sais pas comment je dois le prendre. Bah si, super, tu en souffles de la joie dans le cœur de ces sexagénaires. Tu es un antidépresseur humain. Ce qui ne marche pas sur moi. Voilà, ce que je vais dire. Ce qui est un peu surprenant, qui m'aborde. Mais au final, c'est combattre le mal par le mal. Bah écoute, très bien. Comment s'appelle? Elle a un prénom cette. Je le dirai pas à l'antenne pour le coup. Je respecte. Eh ben bonjour à Joël. Mais ouais. Le J. On avait le J. Le J et le S. Le J et le S. Donc c'est le Floodcast. Donc on va faire un petit tour de des actualités un peu insolites du monde. À votre avis, alors là, on va même remonter dans le temps parce que on est dans le futur. Alors on parle, on ne sait pas si la France a gagné la Coupe du Monde ou l'a perdue. D'ailleurs, on va faire les deux. La France a gagné. Ouais. Aïe aïe aïe, la France a perdu. Oh non. Mais quel beau match. Mais quand même, bravo Messi, ça fait plaisir pour lui. Ouais, voilà, c'est ça. Et bien joué, Trezeguet. On monte pas le temps à ce point-là. Bah, en l'occurrence, puisque à votre avis, je vous demande une petite question historique. Pourquoi le chien Pickles a été considéré comme un héros lors du mondial de foot de 1966? Donc ça se passait en Angleterre à l'époque. Il a flairé une bombe dans un stade. Alors pas du tout. Mais c'est pas un chien policier. Ce n'est pas un chien policier, c'est un chien qui se baladait avec son maître. Mais Adrien était entre guillemets pas si loin. Il a repéré quelqu'un qui faisait une crise cardiaque ou un truc comme ça, ou qui allait faire une crise d'épilepsie ou un truc. Non. Malheureusement non. Non. Est-ce qu'il a traversé le terrain? Il a reniflé un joueur. Et genre le joueur il a marqué après. Ça l'a boosté, il a dit. C'est le chien a marqué. Ça c'est Didier, c'est le film Didier bien d'Alain Chabat. Ouais. Mais non, malheureusement il a, le chien n'a pas marqué. Est-ce qu'il a évité un danger? Il a permis d'éviter un danger. Il n'a pas évité un danger, mais il a permis de passer un bon mondial. Parce qu'il aurait pu se passer beaucoup moins bien si ce chien n'avait pas été là. Donc c'est pas un danger. Donc il n'y avait pas de bombe, il n'y avait pas de bombe, pas de gens qui allaient mourir. Pas de problème de santé. Pas de problème de santé. Mais rester sur l'info mondiale de foot, c'est vraiment lié au monde. Il a prédit des scores. La coupe. Il y a un truc avec la coupe du monde. Alors il y a un truc avec la coupe du monde. Laura, il a rattrapé. Ah, il y a quelqu'un qui a essayé de voler la. Il l'a ramené à la maison. Il y a quelqu'un qui a essayé de voler la coupe et Pickles il l'a. Le mec il est. Bravo. Je vais te l'accorder. C'est à peu près ça. Non mais si, tu pourrais pas être plus proche. Il a lancé la coupe et il l'a mis derrière son dos en disant oh, il est où la coupe. Non. C'est pas les savoirs, c'est le seul chien. Trois mois avant le début de la compétition, histoire de faire monter la pression populaire, le trophée de la Coupe du Monde, donc une espèce de truc avec le truc au bout là, est exposé au milieu d'une exposition de timbres dans une église en face de l'abbaye de Westminster. Okay. Drôle. Oh, et nice. Aucun sens déjà. C'était pour monter un peu le buzz. Oui, mais une expo de timbres, ça n'a rien à voir. Non, mais on était dans une église. Enfin, genre. Qui est méritait d'être volé pour moi. Mais... On était en 66, à l'époque, les timbres c'était top. C'était l'équivalent de TikTok. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres. En termes de loisirs, c'était. Dans le top 3, je pense. Je pense que les timbres, les gens se faisaient des collègues. Timbres, quoi. Drôle et mauvaise idée, le 20 mars, celle-ci a disparu. Évidemment, la Coupe du Monde a été volée. Lors de leur investigation, les policiers remarquent tout de suite un élément étrange. Le voleur n'a pris que la Coupe du Monde alors qu'il y avait à côté des timbres estimés à plusieurs millions de livres sterling. Ah bah oui, quand même. Ils comprendront pourquoi. Ce n'est pas un vol, c'est un kidnapping. Une rançon pour rendre la Coupe du Monde. Mais à quelles conditions? Alors justement, le rendez-vous. Alors, ils demandent à la FIFA. De Fédération refaire. Française de football. Ouais. Exactement. Ouais. Okay. Le A, c'est quoi du coup? Non, mais c'est pas. C'est la FFF dont tu parles. Fédération internationale de football. En vrai, je pense que ça doit être anglais le sigle, je pense, FIFA. Bah vas-y, dis, ça veut dire quoi? Non, je sais pas, mais. Fédération. Ah, peut-être pas, j'ai peut-être temps. International Federation of. Oh my football. God. Il y a pas de. Alors attends, je vais regarder. FIFA, ça veut dire quoi? C'est pas parce que. Parce que là, on est en train de. De partir, ouais. Et bah écoutez. Fédération internationale de football association. Attends. Voilà. Très bien, on le saura. Fédération française de football association. C'est, voilà. Vrai, c'est un mélange d'anglais et de français, c'est un peu étrange. Oh là là, regardez. Non, j'ai cru qu'il allait prendre le portable. J'ai fait le geste. Il allait faire une contre-enquête. Bon, pour revenir à notre ami Pickles, le rendez-vous est fixé dans un parc, il y a un rendez-vous qui y va, mais en fait, le policier arrête pas la bonne personne parce que le gars a pris un autre gars évidemment pour pas se faire choper. Il y avait pas la Coupe du Monde dans la vie. Bref, c'est un embroglio. Ouais. Le fait est que dans ce même parc, quelques mois plus tard, un homme se balade avec son chien et Pickles en l'occurrence. Et Pickles a retrouvé la Coupe du Monde qui était lancée dans un buisson. Voilà, parce que zéro intérêt. Donc les flics top n'empêche. Ouais, ils ont vraiment rien cherché et tout. Ouais. En fait, en 66, c'est à l'époque la police tranquille. Ils ont dit déjà le gars il l'a pété, genre c'était posé quoi. Enfin, non, en fait, je pense. Alors ma théorie, bon, c'est ouf, c'est les années 60, ils sont là, ils crient dans les églises. Attends, mais si je la soulève, il y aura une alarme, non? Ah non, tiens. Ouais, ah, si je sors, ça va sonner. Ouais. Ah non. J'y vais. La Coupe du Monde. Elle est à moi, je la possède. Pour son exploit, Pickles a quand même reçu 5000 livres de récompense, ce qui est énorme à l'époque. Sachez que c'est 5 fois de plus que la prime des footballeurs champions du monde. Il a touché 5 fois plus que les foot qui ont gagné la Coupe du Monde à l'époque. Incroyable. Aujourd'hui, Pickles n'est plus, mais son collier est désormais exposé. Je suis toujours pas d'accord. J'ai du mal à y croire. Et son collier est désormais exposé au musée du football à Manchester. Oh, génial. Quelle belle histoire. Bravo les chiens. Bravo Pickles. Ça a du chien et du chat autour de la table? Oh là là. Pas du tout. Ben si, ça avait. Ça a eu. Suite à une séparation, j'ai plus mes chats, mais c'était. Ouais. Ça a été affreux. Un vrai crève-cœur. Un vrai crève-cœur, mais j'envisage d'autres animaux. Ah oui. Compagnons. Mais pas des chats, peut-être autre chose? Je sais pas, j'hésite encore. Tout le monde me fait flipper avec les chiens, tu sais, à me dire mais c'est vraiment une responsabilité en fait. Hein, donc vraiment, c'est pas que du plaisir, c'est pas que du bonheur. Et je sais, mais qu'est-ce que t'en penses? Bah non, mais c'est vrai. Parce que toi, t'en es où de Francky? Nous, on est garde partagée, une semaine sur deux. C'est un chat, c'est un chien. T'as pas lu Libé? En l'occurrence, c'est dans Libération. C'est vrai. C'est vrai. Quand on a eu le portrait de Libé, ils se sont dit, on va quand même dire qu'Adrien partage ses gardes. Bah, c'est génial. Hein. Et non et ouais et du coup ça c'est assez cool parce que on est en très bon terme avec mon ex et ouais. Du coup ce qui est pratique c'est par exemple quand j'ai un tournage elle peut l'apprendre bien ou sûr. Elle quand elle a un truc tu à faire je peux l'apprendre et tout, ouais. Donc ça c'est pratique effectivement si j'étais bon, après tu peux toujours t'arranger il y a des promeneurs des gens qui font ouais, des... bien sûr. Donc à Paname en vrai il faut juste oui c'est une responsabilité mais si tu t'organises toi le bonheur que ça te Oh bah, ouais. Un soleil. Bah, t'as déjà vu les télé-scobies? Parce que moi j'ai un peu le fantasme. Oui, merci. C'est le soleil. Non mais ah, oui. Le bébé a grandi. Francky a grandi, c'est lui. Francky est pour moi l'équivalent de moi pour les amis de ta mère. C'est vous dire. Ouais. C'est vous dire. Non, ça c'est ouais. Vrai que t'as eu des animaux dans ta vie. Ah, oulala. Une arche, visiblement. On a eu une arche à la maison. Moi j'ai grandi à la campagne, à côté d'une ferme. Super question que tu viens de poser là. T'as grandi où? Je sais. À Plougonvelin, une petite bourgade à côté de Brest, dans le Finistère. T'as envie de prendre un peu la voix de Jean-Pierre Pernaut? Exactement, ouais, j'ai envie. Ouais. Et on a eu beaucoup d'animaux. Dans un lieu dit qu'on appelle. Exactement, merci de donner mon adresse précise. Allez, bon courage, papa. Il y aura un petit bip. Pardon, mais c'est parce qu'une fois, quand j'avais fait livrer un truc chez toi, j'avais dit, je livre où et t'avais fait dans ce lieu dit. Et j'avais dit, mais ça. Oui, mais la rue, c'est quoi? Mais non, y a pas on de... appelle ça un lieu. Et j'ai dit, genre nulle part. C'est vraiment un lieu, finalement. Non, on a eu beaucoup de. Alors, donc, c'est terrible parce qu'on a eu beaucoup d'animaux et en fait. On ne sait pas s'en occuper, donc en fait, ils ont eu des destins tragiques. Ah merde! Vraiment. Ah. Et c'est terrible, on s'en veut. Alors après, on a eu des histoires un peu compliquées, c'est-à-dire qu'il y a des chiens et des chats ouais. Qui ont véritablement disparu. D'accord. On en a d'autres qui sont. Non, mais je peux pas raconter, c'est trop triste. Non, mais c'est trop triste, ils sont mais décédés dans d'atroces souffrances. Non, bah en fait. Ouais. Des chiens qui s'appelaient Chance. Arrête, ça c'était notre premier chien, notre tout premier. Et qui a vraiment du coup. Et ouais. Qui a pas eu de chance. Ouais, bah oui, évidemment. Et de toute façon, dans son endroit, c'est vraiment une sorte de hameau comme ça avec des vaches et, ouais. et la mer au loin. Et ses frères, c'est un endroit où je pense qu'il leur est arrivé que des trucs de fou. Ils ont que vécu des trucs ouais, de fou avec ouais. Ses frères. Lui, il s'est pris un plomb à vache, l'autre, il s'est pris la corde des. Tu sais, des. Et comment on appelle ça? Les fils à vache. Les fils à vache. Tu sais que tu tends le long de la route pour guider les vaches. La carotide. Les gars, ils ont des cicas et tout sur des endroits du corps. Mais ouais, mais c'est la campagne. Moi, j'ai grandi. C'est en Bourgogne, c'était aussi entouré ouais. De vaches. Ouais. Je me souviens quand on était ado, on s'amusait à toucher les barrières électroniques, mais genre c'était notre électronique. Ah ouais, bah, électronique, pardon, n'importe quoi. Oh, le geek. Oh, je suis un geek, pardon. Ouais, les barrières électriques qui retenaient les vaches, mais pas. C'était notre genre, on se disait jeudi on fait ça. Mais le voltage. Genre mercredi les gars, venez, on fait ça, on va toucher les barrières et puis on prend un bâton pour voir si ça va au bout du bâton et que ça nous électrocute pas. Ouais. Ça ah ouais. T'électrocute quoi qu'il arrive. Mais c'est vénère parce qu'on parle de vaches, donc ouais. En fait. Pour, c'est quand t'as un ado de 12 ans, c'est forcément c'est très violent. Tu en ressors avec des séquelles. De quoi, de quoi? Non, je suis obligé de te reprendre. Tu n'as pas été électrocuté parce que électrocuté. C'est la mort. C'est la mort. Ah ouais. Électrifié, électrisé. Ouais. Mais électrocuté. C'est ouais. Comme hydrocution. Voilà, je crois que c'est un bras en reculant ma tête. Ouais, ouais. Électrocuté, ça veut dire mort par électricité. Par électricité, ouais. Ah, et bah, écoute, oh, je me permets. Non, mais t'as raison. Attends, je sais que. Ça, voilà. Tu vois, il y a des gens qui nous écoutent et qui vont peut-être passer le bac. Et ce qu'on appelle, d'ailleurs, comme le dirait mon bon régisseur Étienne, la fois où il s'est ouais. Pris, une châtaigne. Ah bah, voilà. Une châtaigne. C'est voilà, une châtaigne. Mais est-ce que toi, Cédric, parce que moi, c'était ça aussi dans ma famille. Il y avait ce truc de c'est jamais grave. Genre t'as l'impression qu'ils s'inquiétaient jamais. C'est-à-dire que attends, moi sur les quand il se passe des trucs nos parents vénère. Ouais. Ouais. Ouais. Ah, mais ils ont lâché prise. Franchement, on revenait, on avait le front en sang, je faisais un malaise dans la cuisine, c'était oh bon, on va le porter, on va voir ce qu'on va faire avec. C'était non, il y avait un lâcher oh, prise faut total. Mettre de l'eau, mettre de l'eau. Voilà. De l'eau chaude et tout. Bah, mon père est médecin et ah quand même. Donc t'avais un petit. Oui, prix, mais ah, oui, non. Mais en fait, c'était le genre de médecin que je dis toujours d'ailleurs et à chaque fois il me dit putain, Cédric, fais gaffe quand même. Mais bon, je le raconte quand même. Un charlatan. Ouais, voilà. Il fait énormément de fausses ordonnances. On va regarder ses avis Google d'ailleurs. Non, mon père est médecin et avait pourtant la fâcheuse tendance à ne nous prescrire que des doliprane lorsqu'on avait le moindre mot. Mais c'est-à-dire qu'on pouvait rentrer ouais, avec vraiment. Un genou brisé, c'était prends un petit doliprane, ça va passer. Mais en fait, c'est juste qu'il avait un problème avec le fait de nous soigner. Mais en fait, c'est un très bon médecin puisque finalement, il nous a légué. Enfin, il a légué le soin de nous soigner à un autre médecin. Ouais. Il ne pouvait pas nous soigner ah, nous voilà. Puisque c'était notre c'était père. Déontologiquement, ah, oui, c'était si. Pas possible. Et, mais du coup, je pense qu'il y avait un médecin. Tu es en bonne santé en plus, donc il a bien taffé. Il a plutôt bien taffé. Il a Laura qui fait. Dites la média. Bon, le père d'Anna Apter, qui est radiologue également, il lui faisait tout le temps des trucs comme ça aussi. Elle tombait, elle se brisait littéralement les os. Il faisait pas faire une radio pour ça non plus. Hein. Mais parce qu'il y avait ce discours, il y avait ce discours de on va pas aller envahir les urgences alors tu t'es foulé la cheville, c'est bon, putain, je suis médecin, je sais ce que c'est, prendre des prénoms. Alors que véritablement, genre ses frères en fait, tombaient du coffre de la voiture. Enfin, tu vois, sur... Ouais, on a des histoires violentes, vraiment de. Mais putain, mais c'est ouf le coffre de la voiture et le nombre de fois. Pareil, c'était une activité moi quand j'étais gamin. C'était genre, de... on va aller chercher des pizzas. Oh papa, je peux aller dans le coffre de la voiture. Mais oui. Oh bah vas-y, on va se marrer. Vraiment... On prend aucun risque, allez, on ferme le coffre, on vérifie pas trop, et en fait le coffre s'ouvre. Évidemment. Et l'enfant tombe derrière. Et heureusement, il n'y a pas de voiture derrière, parce que sinon l'enfant meurt. Parce qu'on est à p***, donc heureusement il y a assez peu de voitures, mais. Finalement. Oh putain, c'est terrible. C'était... Mais moi j'adore, c'était des souvenirs. Mais donc c'est un médecin de campagne ou non? Un médecin, il est une petite ville. Non, il y a une bonne ville assez développée, il est médecin là-bas, donc ça va. Okay. Mais et nous, on peut dire qu'il est cardiologue il est cardiologue où exactement? On donne son blase carrément. Non, c'est pas ça, c'est parce que quand on était chez Michel Drucker, il était très. Il a dit, oh, ah oui. Là, dis donc. Michel a salué le docteur cardiologue de Brest, et mon père, quand je suis rentré à la maison, il m'a dit, bon merci, c'était sympa, mais en fait, c'est pas moi le cardiologue de Brest, il y a un vrai docteur qui s'appelle monsieur Salin. Brest, donc il lui a fait toute la pub pour Gilles, lui. Donc c'est dommage, finalement, c'est dommage. Pour le cardiologue qui n'est pas Brest, qui est donc. Bah, du coup, tout le monde va le retrouver, il s'appelle. Il y a Gilles, à Brest. Mais... Et donc, on embrasse très fort. Et c'est Gilles qui a pris toute la promo de Drucker. Bah, il paraît. Donc, mon père était ravi, mais il m'a dit bon, c'est pas grave, c'est juste que tu donneras mon vrai nom la prochaine fois. Mais Drucker, il adore faire ça, il adore faire des coucous aux parents des artistes. Alors, moi, il a complètement ignoré par contre toute ma famille, donc c'est pas très agréable. Mais cela dit, il est raciste, c'est aussi ça. toi, c'était l'Alsace, Laura. C'était l'Alsace. Bien sûr, ouais. T'étais où en Alsace? Lorraine. J'étais à Kingersheim, juste à côté de Sossheim, quand tu vas vers le rond-point là. Pour aller vers Ilfurt. Non. Au niveau de l'Europa, par rapport à l'Europa Park, et le parc des singes. On là, on a une heure d'Europa Park. Quand même une heure d'Europa Park. Une heure de Rust, on appelle ça. Rust. Est-ce que c'est comme les. Ah non, pardon, je confonds avec les saucisses. Wurst. Les Wurst. Non, c'est ça, c'est très allemand, mais il y en a quand même bien en Alsace. Wurst. Oui, j'étais entre Mulhouse et Kingersheim. Donc entre, c'est quand même des villes, mais c'est des villes où t'as un grand jardin. Ah, t'en dis donc. C'est rien, c'est rien du tout. Pardon. C'est son Apple Watch. C'est pas la crèche. Non, c'est pas la crèche. Tout va bien, c'est pas la crèche. Ville avec quand même, tu sais, des petits centres socioculturels et tout, mais oui, grand jardin. Enfin voilà. C'est ça. Il y a un McDo, un cache-cache, une agence de touristes, mais pas plus. Et un Kiabi, effectivement. Et un Saint-Maclou. Mais ouais, c'est vrai. Et un kebab exceptionnel. Ah, alors là, par contre, si je peux me permettre. Alors, si on peut faire un peu de promo. Si je peux me permettre, alors moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais, mais alors, estomaqué de la qualité de ce qu'on appelait des Grecs dans des pains industrialisés. Moi, venant quand même donc je suis quand même frontalière avec l'Allemagne, il y a eu énormément d'immigration turque en Allemagne, bien et sûr. Notamment donc en les Alsace. Donneurs, les donneurs kebab, c'est le pain est fait maison, il y a du chou rouge, il y a énormément de légumes et tout, c'est exceptionnel. Et j'ai un kebab rue du Loucheur, enfin rue du Ban, entre la rue du Loucheur et rue du Ban à Kingersheim, qui s'appelle le Ungut. Oh. Et c'est un truc qu'on aime depuis que. Enfin, qu'on pariait même avec des copains depuis le collège, quoi. Tellement c'est bon. Ah, vraiment, tout le monde va dans ce kebab-là. Putain, nous, à Autun. Je les embrasse très fort. On les salue. Ouais. On souhaite beaucoup de bonheur. Allez, un mot d'espoir. Tu le cherches maintenant. Là je regarde. Coupe du monde. Alors, toujours cette petite manifestation. J'ai pas été voir les avis Google, tiens. Il y a des bons avis. Sur les avis Google du papa de Cédric. Non. Il y en a pas. Tout va bien. Bonjour. J'ai un sale avis, moi, sur la Fnac, là, figurez-vous. C'est mon premier sale avis sur mon spectacle. Ah merde, il a écrit. La moitié d'un spectacle. Oh, yo. C'était trop dur. Ça, je suis toujours un peu surpris quand même de. Sans, voilà, t'as le droit de donner ton avis, voilà, pas de soucis. Mais faut quand même une vraie démarche, quoi, de se dire, je vais te dire que c'est nul. Enfin, dire, en fait, je crois qu'il a été surpris de la durée qui était assez courte, une heure, un peu plus mais d'une heure. Mais qui est un spectacle à Paris. C'est... Oui, et en fait, il a eu l'impression que du coup, j'avais accéléré, je pense, pour finir le spectacle. Pour aller bouffer. Elle voulait aller au resto. Parce ça qu'il voit. Disait, oui, il y avait un spectacle derrière, donc ils ont dû accélérer, tout ce qui ne se passe pas du tout comme ça dans les théâtres. On ne peut pas faire ça. Mais bon, oui, et puis donc, si vous m'entendez, mettez plein de bons commentaires sur la Fnac. Parce que moi, je dis jamais ça à la fin des spectacles. Donc, j'ai jamais de commentaires. Et maintenant, j'en ai 4 et je suis à 4,5, ce qui n'est pas énorme. Ce qui est mieux que Ungut Donner Kebab qui a 4,1. Bon, ça, c'est vraiment un manque de respect total. Mais pour combien d'avis? Pour combien d'avis? 239. Quand même. C'est énorme. Donc, est-ce que je peux me permettre d'en lire un? Tu peux te permettre d'en lire un. Alors, un bon ou un mauvais? Plutôt un bon. Prends le meilleur et moins bon. Ah, pas mal. Bah alors attends, parce que on peut pas trop. Si tu mets les meilleurs, les mieux notés, les moins bons. Voilà. Avis les plus récents, les plus favorables. Voilà. Le meilleur donneur d'Alsace à mes yeux. Client fidèle depuis 14 ans, jamais été déçu. Le pain, leurs pâtes. leurs pâtes. Ouais. Et faites maison. Oh là, attends. Et franchement, je recommande et toujours Madame et Monsieur Ungut aux commandes. Bon, pas ouais. très. Bah, Laura.f. Ouais. Et à fuir. Waouh, merde. J'ai des conseils fortement. Personnel très désagréable. Ah. À la limite de l'insolence. Non, alors c'est, alors, c'est vrai bon, qu'ils alors, sont, ils sont particuliers. C'est... non, ils sont. Oh, punaise, là, je peux pas dire ça parce que j'habite une rue à côté, mais ils sont non, pas mais... particuliers, ils ont leur style. Mais oui, et moi. ils sont pas là pour faire du commerce. On est alors, là pour bien bouffer. C'est la moi, qualité. Je demande pas, voilà. On y a demande un pas truc. Plus. Voilà. Moi, je demande pas plus. Et en vrai, c'est pas ça. C'est qu'ils sont pas du tout pas sympas. C'est juste qu'il faut les chercher un peu. Quoi. Voilà. Oui, alors, moi, je viens pas pour la tchatche. Hein. Alors, ils sont concentrés. Cela dit, oui, tous les avis défavorables portent sur l'inamabilité. Voilà. Jamais de... sur. Ah oui. Voilà. Jamais sur la qualité de la nourriture. Les produits sont délicieux. Et moi, j'y vais pour ça. Ah, là, quelqu'un qui dit kebab pas frais. Bon. Mais ouais, ça porte essentiellement quelqu'un qui dit, sur l'impolitesse. J'ai perdu mon mari semaine dernière des suites d'une intoxication alimentaire. Oula. Voilà, voilà une étoile. Là, je comprends le une étoile. Il y a quelqu'un qui a mis une étoile et qui a mis pas top. C'est vraiment top, c'est disproportionné pas une étoile. Pas top, c'est 2-3 étoiles. Non oh là ouais, là, je suis d'accord. Peur, ces gens ont accès, ils ont accès à Google. Là, moi, j'essaie genre, avec les hôtels, j'avoue. Sur Booking, ouais. Les... ma meuf ne regarde jamais les avis. Par exemple, elle a un espèce de truc dans si les photos, l'emplacement lui plaît. Tellement machin. Bonne patte. Ah, très mais bonne c'est patte. Bien. Mais je après, sais pas, est-ce qu'elle se plaint une fois que ça va pas sur place? Bah non, parce que ça va jamais pas, parce que après, je passe derrière, je fais, mais enfin. 4,6 sur 5, c'est tellement pas assez. Ça vrai. Être... Ah, c'est vrai, il c'est faut fou. Minimum c'est 4,9. Surtout que sur Booking, ils nous perdent un peu avec leur 8,3 et tout. C'est on ça, est plus sur les mêmes notations. Mais, ouais. Cela dit, moi, je suis quand même. Voilà, je suis pas trop méchant parce que je lis quand même. Parce que parfois, effectivement, des fois, des gens donnent des mauvaises notes pour des trucs où moi je m'en fous. Oui, des fois, tu lis, tu fais. Oui, mais là, t'es un connard. Oui, voilà, ça, c'est ça. Non, mais genre, ça, c'est clair. Absent... Entre 4h et 5h du matin, l'ascenseur faisait beaucoup de bruit. Bah, écoute, connard. Absence de minibar. Oui, bon, bah, voilà, tu prépares-toi. T'es un alcoolo, tout simplement. Mais tu sais que tu peux donner. Tu disais il y a des avis Google. En vérité, il y a des avis Google sur plein de choses. Je rappelle oui. que dans cette émission, surtout. Nous avons souvent fait la promotion de Axel Malibernet, qui avait une société oh bon à l'époque, Axel. Rue de l'Indre à Paris. Donc il ouais. n'y vit plus, hein, donc on ouais. peut le dire. Et on l'avait dit à l'antenne. Et donc les gens laissent souvent des avis Google sur Axel Malibernet. Et il a 4,8 sur 5 pour 33 putain, avis, ce qui est quand même pas mal. Il a 33 génial. Avis maintenant. Il a 33 avis. Hyper hâte comment... d'aller laisser un avis aussi. Timothée Auchet avait mis que 2 étoiles, malheureusement. Quel voilà, bâtard. Voilà, voilà. Quel bâtard. Mais Adrien Méniel a mis une très bonne note. Il a mis 4 sur 5. Je suis allé le voir sur les conseils d'un ami et franchement, je ne regrette pas. Très pro et accueillant, et il prend le temps de vous écouter. Une étoile en moins pour les magazines un peu vieux. Un télé 7 jours de 2004. Faites un effort. Non, non, mais c'est vrai. C'est très Axel Malibernet. En Allemagne, bah, tu vois, on parlait de l'Alsace. Oh là là. Ouais, oh, ouais, sans ouais. transition, bien sûr. Sans la moindre transition. Une patiente d'un hôpital âgée de 72 ans a ouais. été arrêtée pour tentative de meurtre. Ah, qu'a-t-elle fait? Dans patiente, un hôpital dans un hôpital. Elle était patiente. Est-ce elle, qu'elle n'a, a... elle n'a aucun passif. C'est pas quelqu'un qui a agressé des gens ou machin. Elle a retrouvé quelqu'un qui se faisait soigner dans son service. Et non, ça l'a énervé. Non. Et elle a voulu tuer. J'étais complètement à côté. Elle a essayé de se tuer elle-même. Non, pas non. du tout. Est-ce non, qu'elle non, a... tentative de meurtre sur un soignant. Pas sur un soignant, sur un, patient. Sur un autre patient. Sur un autre patient. Sur un autre patient. Parce qu'il ah, ronflait. Bah, elle a échangé les médicaments, évidemment. Alors, elle n'a pas échangé les médicaments, pas parce qu'elle ronflait. Ah, volontaire. Est-ce que c'était... Alors, c'était involontaire. Ah, involontaire. Un tentative de meurtre, pardon. Ben, c'est ça, c'est que. Elle a donné son dessert à un gars allergique aux arachides. Alors, c'est pas ça, mais tout à l'heure, tu disais, elle ronflait. Tu n'étais non, pas si éloigné. Ah, elle... c'est un truc où elle était dérangée. Elle... Ah, le goutte à goutte faisait du bruit, elle l'a débranché. T'es pas loin. Elle a débranché une machine qui faisait du bruit. Génial. Exactement. Non, c'est pas femme âgée de 72 ans a été arrêtée et placée en détention. Ça, c'est les gens qui mettent une étoile sur. La machine faisait du bruit, bah, je écoute, me suis permis merde, de la débrancher. Branché, voilà. Vous avez fait aucun lien avec le cœur du patient, excusez-moi. Bon, c'est vrai qu'après, j'entendais plus rien. Il y avait une espèce d'encéphalogramme plat. Bon, je me suis pas douté, mais. On a bien dormi. Je l'ai dit, j'ai bien dormi. Elle était placée en détention dans la ville de Mannheim en Allemagne après avoir éteint à Mannheim. Deux reprises ouais. le respirateur qui alimentait en oxygène deux la patiente reprises. Hospitalisée ah oui, dans fois. La même c'est-à-dire pièce. C'est-à-dire que ça a été rallumé. Ouais, non, moi je veux éteindre. Ouais. Non, c'est pas vrai. Les patients ont dit vous arrêtez maintenant madame, hein. Ça c'est important. Hein. C'est pour ça qu'elle a été arrêtée parce qu'à la limite, ce que rapporte le Guardian, ce qui cite d'ailleurs un communiqué conjoint du bureau du procureur, c'est pour vous dire qu'on travaille. Les faits sont produits dans la soirée du 29 novembre aux alentours ouais. de 20h. La septuagénaire aurait coupé une première fois le respirateur de sa voisine car elle se sentait dérangée par le bruit provenant de l'appareil à oxygène. Après, on comprend. Donc, les infirmiers présents sur place ont rapidement relancé le respirateur et ont dit à la patiente, bah, non, ne faites pas ça, ne recommencez pas. Mais cette dernière n'a absolument pas tenu compte de l'avertissement. Bien que la suspecte ait été informée par le personnel de l'hôpital que l'apport d'oxygène était un soin vital, elle aurait de nouveau éteint l'appareil vers 21h. Donc, peu et la patiente une heure après, donc hein. Ah oui, une heure après. Oui, une heure après. C'est terrible. Hein. Les soignants ont donc été forcés de contacter les forces de l'ordre qui ont interpellé la septuagénaire soupçonnée de tentative d'homicide. Elle a été présentée à un juge mercredi 30 novembre et placée ensuite en détention provisoire. Wow. La victime a pour sa part dû être réanimée par le personnage d'hôpital. Ah oui, ah, mais merde. Ses jours ne sont pas en danger. Elle était oui, enfin, elle est sous le respirateur quand même. Donc ouais, vraiment... oui. C'est pas non plus. C'est pas non plus à grande forme. On n'est pas au beau fixe. Merde. Et ah du coup, on se dit, est-ce qu'elle est démente ou est-ce que c'est une grosse conne, quoi? Ou est-ce que c'est une excuse? Oui, voilà. Est-ce que c'est une excuse? Juste elle ou est-ce qu'elle a vrillé? Est-ce qu'elle a pu vriller? Moi, je connais des histoires, il m'en est arrivé une personnellement qui m'a fait vriller. Alors, on pourrait m'accuser de tentative de meurtre. Bah, tu sais, l'histoire de l'oiseau. Oh, alors, dis-nous tout, raconte-nous. T'as encore tué un animal? Non, mais là, ça. Non. Ça, c'est les signes annonçateurs des serial killers, normalement. Ouais, avec plaisir. Il a décapsulé un perroquet. Je veux juste dire que les conditions, le contexte a fait qu'on peut vriller parfois. Je ne veux pas défendre tous les dossiers, bien sûr. Non, mais tu es dans une safe space. Et n'oubliez pas que nous sommes en France et que la présomption d'innocence est. Bien sûr. Encore une fois. Et que qu'on peut tout couper au montage. Ouais, ouais, bon, tout va bien. Sans toi à l'aise. Ouais. Génial. Non, ça se passait pendant le premier confinement où je me suis rendu, comme tout Parisien, à la campagne, chez mon père. Et en fait, j'ai vrillé parce que tous les matins, j'entendais un bruit très précis que je peux vous reproduire aujourd'hui d'un oiseau que j'ai identifié, signe qui était vie, un merle vie, noir. De vie quelque part. Ouais. Qui a deux étoiles sur Google. C'est une vraie merde. Je peux te dire, je l'ai défoncé sur Internet. Qui me réveillait avec ce bruit. Imaginez-vous top line, pas ce mal, bruit ouais. À répétition tous les matins, toutes les deux secondes à partir de 6h. Ah ouais. J'ai vrillé, j'ai pété un plomb. Et en fait je me rendais pas compte que j'avais pété un plomb jusqu'à ce que j'appelle Laurent en FaceTime pour lui dire regarde. Enfin, je peux te laisser raconter puisque c'est peut-être plus intéressant que soit toi. Je l'ai appelé, on s'appelait assez régulièrement. Puis c'est vrai que nos états mentaux quand même différaient en fonction du confinement. Voilà, ouais. Et là il était en cohabitation étroite avec son père. Et je l'appelle et je lui dis ça va. Puis il me dit, ouais, ça va, non, ça va. Et je me dis, oh, c'est pas l'air d'aller foufou quand même. Quand il y a 5 ça va d'affilée. Ça va. Et il me dit, non, mais là, il me dit, et en fait, on commence à parler, puis il me dit, mais là, tu l'entends. Et je me dis, je vois pas de quoi tu parles. Mais putain, mais cet oiseau. Alors, je lui dis, mais Cédric, je lui dis, mais c'est un oiseau. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la vie. C'était horrible. Et il me disait, non, mais hier, avec mon père, on a fabriqué un lance-pierre. Non, mais. Okay. Parce qu'il était logé dans un arbre très haut. Pour installer. Je pouvais pas le. Donc il essayait. Et il avait l'impression vraiment que cet oiseau en faisait une histoire personnelle et le regardait en disant. Ah, mais j'en ai fait une histoire personnelle. Alors, et vraiment, je tiens à dire que je pense que cet oiseau ne faisait pas ce bruit. Je vous jure, j'ai trouvé la référence de l'oiseau sur Internet. Je suis allé sur YouTube taper Merle Noir, il fait ce chant. Ah, c'est le chant du Merle Noir. C'est le chant du Merle Noir. Au moins, tu le sauras aussi. Et ça donne un petit côté à Amélie Nothomb qui d'ailleurs sait tous les chants des oiseaux. C'est bien ça. J'adore cette femme. Et donc, il était vraiment. Bref, je lui ai dit, je pense que tu ne peux pas tuer un oiseau. Et je me suis arrêté, évidemment. C'est pas ouf. Je me suis arrêté en cours de route. Je me suis dit, attends, je suis en train de. C'est pas possible ce qui se passe. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire. Putain, t'as je déjà me suis perdu avec les pierres dans les mains là. 45 animaux domestiques. Ben non, c'est tu voulais pas le tuer. Ah ouais. On peut le dire aux auditeurs. Tu voulais l'éloigner. Exactement. Bien sûr. On voulait le faire aller vers un autre champ. Après, voilà. tu dis que tu t'es arrêté, donc je sais que clairement tu voulais le tuer parce que sinon tu l'aurais fait. pour pas le blesser, juste le merci Adrien de soulever et de faire de moi un meurtrier. C'est un debunker. Il est plus ou moins Hugo Décrypte. Faut pas vous dire mieux. Non mais moi je comprends, pendant le confinement moi-même j'ai failli perdre la raison. C'est vrai. Parce qu'il y avait des travaux moi à côté de chez moi. Ah mais je me rappelle de ça, je raconte tout le temps cette histoire, quel enfer. Vraiment d'un marteau piqueur contre mon mur. Quelle mélodie faisait la perceuse? je le fais pas aussi bien que l'oiseau. Et ici, sur la contre notre chambre avec ma compagne. Wow. Johan n'était encore pas de ce monde, mais contre il y avait mon bureau. Et donc qui dit, donc déjà t'es réveillé à 7h30, 8h avec des ta-ta-ta-ta-ta. Et en plus à chaque fois avec zéro projet finalement, avec confinement en plus, donc c'est ça, donc vraiment. Et surtout moi j'étais dans un espèce de truc de, mais je suis sûr qu'ils ont pas le droit, on doit pas sortir, qu'est-ce que faut que fait ce chantier, c'est pas vital. Ouais. Donc quoi, les musiques d'Encore Malade c'est pas essentiel, mais ça c'est essentiel, je suis pas d'accord. Bon, ouais. Donc j'appelle la police, mais pas en mode je vais dénoncer un chantier, mais pour dire excusez-moi quelles sont les lois, parce que du coup je suis très tu deviens procédurier à mort. À l'époque et à l'info que tu aurais pu trouver sur internet. Non, et ben non, mon ami, évidemment j'ai appelé les flics, pas pour les dénoncer aussi. Mais non, pour savoir, mais j'ai appelé la Gestapo, évidemment pas pour les dénoncer, juste évidemment pour informer la présence de juifs au deuxième étage. Excusez-moi, je veux savoir, j'ai un juif dans mon grenier, je fais quoi? J'ai fait liquer l'adresse et le nom, mais pas pour les dénoncer. Non, les gens s'acharnent sur eux. Vous le savez, remettez-vous un utiliser ma notoriété pour leur nuire, mais pas Remettez-vous à l'époque du confinement, je vous rappelle, les règles étaient assez floues. On ne savait pas. Vraiment, on ne savait rien, finalement. Ouais. Et le fait est que la police m'a dit, ils ont complètement le droit. Ils ont le droit de travailler. Et effectivement, bien sûr qu'ils ont le droit de travailler. Et si et donc j'y suis allé. À chaque fois, en plus, je suis tombé dans une espèce de guerre nulle où ils me disent, par contre, ils n'ont pas le droit avant 8 heures. Et donc du coup tu regardes ta montre, putain 8h02 ils ont le droit, oh, merde, ouais. Je peux même pas les faire chier à 7h45 à dire ouais, c'est terrible. Vous avez pas le droit. Ils sont vraiment avec la perceuse prête et dès que c'est un bip à 8h ouais, et donc au final j'y ils sont tellement à l'heure les ouvriers sur le chantier le matin. Ah, mais voilà, c'est fou ouais. Ah, bah, c'est assez... Bravo à tous les salue, les ouvriers de France. Ils nous bravo. Écoutent, ils nous ouais. écoutent et ils bossent, ils bossent, ils bossent. Et donc j'y suis allé au bout d'un moment, mais alors c'était toute une guérilla puisqu'en gros la porte était, c'est pas dans mon immeuble en fait, c'est dans le mur de l'autre côté mais d'un autre immeuble. Donc j'ai forcé la porte de l'immeuble d'à côté. Attends, j'ai brûlé attends. Le hall dans quoi hein. Si c'était dans, pas dans ton immeuble, ça veut dire que tu es sorti j'avais fait une petite attestation ouais, avec écrit la raison. Oh. Engueulé des chefs de chantier. Non, j'ai forcé la porte, ce qui est quand même vraiment un truc d'un malade hein. Oui, enfin, un fou allié. Un sale fou. Et donc j'y suis allé. Le gars a commencé à m'embrouiller parce qu'il me dit mais monsieur, vous n'avez rien à faire sur mon chantier. Je fais oui mais bon, là il faut des réponses. Donc j'ai quand même dit Je comprends que vous travaillez. Est-ce que vous pouvez m'expliquer juste jusqu'à quand? Donc là, le gars me dit ah bah là, c'est jusqu'à. En fait, c'était des bureaux, ils en font des apparts. Donc il n'y avait pas d'arrivée d'eau, il n'y avait rien. Oui, mais quand même, ils savent quand il y a les gros travaux, les gros œuvres, le gros c'était, bruit. C'était jusqu'à mi-mai. Donc littéralement, jusqu'à la fin du confinement. Et j'étais super embêté parce que bah, les mecs ils bossent en fait, tu vois. Et puis ouais, en plus, ils n'ont pas le taf le plus rigolo de la terre. Mais quoi. C'est pas de leur faute. En donc fait. Je commence à essayer de faire une espèce de négociation nulle de. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être à 10h, tu vois, un truc comme ça. Il fait non, parce qu'en fait, on pète tout le matin et comme ça, après, on enlève tous les gravillons toute la journée. En fait, péter, c'est ce qu'il y a de plus rapide, donc c'est normal qu'ils commencent par ça. Donc j'en ai beaucoup appris. Mais ils veulent pas perdre une matinée et péter l'après-midi pour ramasser le matin. Parce que ça les fout dans leur emploi du temps, ça marchait pas. Et en fait, ça t'as vraiment ce truc, en plus, t'as l'impression d'être un héros alors que t'es juste une merde, mais tu dis en plus, moi je suis pas parti à la campagne, je suis resté ici. Ouais. Et voilà comment je suis remercié. Et tu as dit à la campagne, t'aurais été d'autant plus. Non, t'aurais été emmerdé j'aurais pas échanger quand même pour être tout à fait honnête avec le mais non mais en plus ce qui m'avait énervé c'est que ça avait pas commencé dès le début du confinement, c'était genre fin mars début avril, donc il y avait vraiment un truc de mais c'est fou parce que c'est pas je termine un chantier ouais. quoi c'est il était prévu, je le fais quand même, bon puis ça peut rendre ça ouais ça rend fou bah, ça m'a rendu fou hein, mais attends t'avais pas d'autres voisins qui se sont liés à toi pour essayer mais de non mais ça pareil j'ai essayé j'ai essayé les autres voisins bah déjà il y en a qui s'étaient barrés. Ouais. Et d'autres qui étaient moins embêtés parce que c'était vraiment contre mon mur, c'était mon étage et tout. Et je pense que t'es deux étages au-dessus, tu l'entends à peine. Ouais, tu vois, ce truc-là. Oh là là. Bon, bref, voilà. Tu étais seul contre tous. Mais vous avez, vous, des tocs, des trucs qui peuvent vous insupporter? Énormément. Toi, Adrien, t'as des trucs qui... Rien, moi, rien m'énerve, moi. Rien du tout. Rien du tout. Tu es plus ou moins une fleur. T'es du pollen, en fait, par le vent, tu te balades. Non, si, mais je t'avoue que là. Non, mais des petits tocs, des trucs. Toi, de Laura, par exemple, t'en as des trucs. Moi, des tocs. Bon, je n'ai excessivement, ouais. Non, mais est-ce qu'il y a des trucs chez les autres? Elle a dégueulé quand elle a vu tes dents. Quand elle a, oui, bah, elle a déjà moi j'ai un problème de ouais j'ai un problème de microbes sur l'hygiène ouais. Ouais j'ai un problème sur l'hygiène là. Surtout, ah donc sur vraiment l'hiver. Parce que on peut le dire hors antenne ouais. Une histoire folle t'as renversé ouais. Un peu de café ouais. Et j'ai pas de sopalin moi j'ai que des torchons ouais. Ça t'a un peu dégoûté le torchon t'as pas aimé. Non non c'est ah, quand alors, elle non en fait c'est quand je me lave les mains comme j'ai peur de vomir donc j'évite. D'accord. Et comme je sais que tu disais ton enfant a vomi et chié dans son lit il y a ça il y a quelques heures c'est ce qu'on appelle finalement une gastro-entérite et moi c'est ce qui me fait flipper en hiver donc là je me lave beaucoup mais ça va je me suis un peu calmée mais non sinon j'ai des tocs j'ai quelques tocs avant de monter sur scène notamment mais ouais. Je les calme un peu. Alors voilà. C'est quoi vous avez un petit rituel avant ouais. De monter sur scène ouais, parce ouais, que Frédéric, Cédric, c'est vrai que tu montes aussi sur scène pour les ouais. Gens qui n'ont pas vu le spectacle t'as aussi ouais. des passages on, bah, ouais. On fait un check il faut que tout le monde soit là pour faire on crie watching out ce qui n'a aucun sens. D'accord. Là, ouais, des fois. Watching out, on ensuite on prend notre température devant un appareil électronique ah ouais automatique parce qu'il y a okay. Un truc comme ça qui est dans les têtes des maturins donc on adore prendre notre température comme ça on sait à quelle température on est mais il faut qu'on le fasse. Mais là ces derniers temps c'est très élevé la température est très élevée il nous dit vraiment faut pas monter sur scène. On est vraiment à 2 minutes donc faut y aller. Ouais c'est ça pas le choix. Mais non, après dans la vie, oui, j'ai des petits tocs, mais des trucs nuls, tu sais, genre les coussins doivent être dans les bons endroits quand je dors oui. Ou des ah oui. Ah mais, oui, non mais je comprends. Et il y a des trucs comme ça ouais où je me dis là, il faut que je fasse ça sinon je vais mourir ou quoi, mais tout va bien. non mais ça, moi j'ai ça, moi c'est avec la porte. À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai laissé quoi bah, quand la porte ouverte j'ai oublié de fermer à clé. Ah ouais, tout fermer bien. La porte ça va, mais fermer à ouais, clé, à clé ou alors j'ai un chat et je laisse pas entrer dans la chambre parce que j'ai toujours peur qu'il pisse. Et j'ai l'air, c'est putain, est-ce que j'ai fermé la porte de la... espèces de amnésie très rapide, tu vois, des trucs genre je sais attends plus. Ça j'ai fait ou pas, ouais. Mais Cédric a beaucoup de tocs. Toi t'as des tocs aussi. Enfin t'as pas des tocs, mais t'as ce qu'on appelle des obsessions. C'est-à-dire que si d'un coup il se dit c'est pas assez blanc ce mur, il a passé 6 semaines sur une peinture blanche à te dire tu vois ce blanc là. Ah ouais. Ah moi je suis pareil. Raconte-nous tout, Cédric. Je sais pas. C'est vrai que t'es un peu. J'ai une passion pour le bricolage et pour le. Pour tout. Je sais pas, j'aime le détail, le souci du détail bien fait, tu vois. D'accord. Donc là, tu vois, j'ai fait non, installer. Non, c'est pas vrai ça. Ça m'a pris. C'est pas vrai. Parce que tu as passé 6 mois à faire un bureau qui, au final, va avoir un pied bancal quand même. Non, parce que. Il est pas bancal. Il est pas ouf parce que je l'ai construit moi-même, mais il est pas bancal. Non, qu'est-ce que j'allais dire. Non, par contre, j'ai eu un toc très bizarre, mais ça, je crois que je te l'ai peut-être pas dit, mais peut-être que tu l'as remarqué. Et là, il est passé, c'est que je ne supportais pas sortir de chez moi en n'ayant pas vérifié que mes robinets étaient bien fermés. Mais limite, je coupais l'arrivée d'eau. Ah oui, d'accord. Genre, ça se trouve, en fait, l'eau, elle va. Et ça va couler, je rentrais chez moi, il va y avoir de l'eau partout. Mais ça a duré plusieurs mois. Et là, c'est bon, ça m'est passé. Mais c'est vrai que quand tu partais parfois juste un week-end, tu vois, après, il faut avoir la présence d'esprit de le faire. Il y en a qui le font, mais il faut être très organisé. Par contre, quand je pars de chez moi pour un week-end ou pour un séjour, je coupe toujours. Oui, mais les séjours longs, oui, mais un week-end, parfois, non. Non, tu peux, non. Bref, je sais pas, il y avait un truc de. Ok. Mais je comprends, moi, j'ai pas peur des films d'horreur, mais toutes les personnes qui me racontent j'ai eu un dégât des eaux ou ma machine à laver, ça me littéralement. Je ne sais pas faire face à ces problèmes du quotidien. Ouais. Et vraiment, Moi, je vis dans un appartement maintenant dont le propriétaire est Vincent de Dienne, oui, et je le dis parce qu'il a eu un dégât, il a eu 5 dégâts des eaux dans son appartement depuis que j'y suis. On touche du bois. Mais littéralement, c'était les eaux usées de la voisine. Oh là, le comptoir de sa cuisine. Donc, et sa voisine était en plus Marianne Chazelle. Non, pas du tout. Je fais croire que tous les stars vivent dans les mêmes immeubles. Non, pas du tout. Non, Adrien, ça te revient pas. Non, si, mais quand tu disais le souci du détail, machin, et l'obsession, moi, c'était. J'ai un peu le truc, mais ça m'a un peu passé, mais quand même pas totalement. Mais c'était si je dois acheter un truc. Ah oui, non, tu faisais vachement faut ça. Faut que ça soit le meilleur. C'est je horrible. Me rappelle, tu m'avais, j'avais acheté la même cigarette électronique parce que t'en avais tellement bien parlé que j'avais bien sûr, bien au sûr. Au CBD et tout. Ouais. Et je me souviens d'un été où j'étais chez ma sœur, donc avec mon frère, etc. Et deux semaines après, on partait en vacances au Canada avec mon ex. Et je m'étais avec dit... qui non, je... Et je m'étais dit putain, j'ai pas une bonne valise grosse et tout machin. Et j'ai passé mon le séjour chez ma sœur. Et j'étais sur mon iPad. Et je disais non, celle-là est pas mal et tout. Et mon frère, c'est fou, il passait derrière moi. Il disait t'es encore en train de chercher une valise. Genre il faisait beau, il y a une piscine chez ma sœur et tout. Et moi j'étais dans le salon genre en train de chercher. Bien sûr. Celle-là elle est pas mal. Non, mais bien sûr. Et au final, pour rejoindre ton bureau, j'ai acheté une valise pas terrible. Très déçu de cette valise. C'est qu'après coup, tu penses t'as fait le meilleur choix et en fait, tu te rends compte en fait, c'est une étude de marché qui est tellement folle qu'après, effectivement, c'est toujours un peu décevant. Non, mais elle est vraiment, elle est pas terrible. C'est-à-dire qu'elle a pas. L'attente est tellement énorme que tu ne peux être que déçu. Mais elle a pas un cul rigide. C'est-à-dire qu'elle a tendance à pas tellement bien tenir. Tellement change pas tellement ça. Après, elle est pas remplie totalement. Des fois, t'as tellement étudié le dos que finalement, si t'es un peu déçu, tu finis par dire non, mais en même temps, je le savais, j'ai pris le risque. Finalement, j'ai eu les pour, les contre. J'accepte qu'aujourd'hui, mon canapé que j'ai mis 6 mois à trouver n'est pas terrible. Ouais, après, t'as quand même fait un truc il y a pas longtemps. T'as quand même mis du gaffeur de cinoche sur chaque petit endroit de son volet, tu sais, qui est un peu ouvert comme ça à la provençale, pour pas que la lumière rentre. Ah, mais ça, alors ça, ça me rend ouf. Non, ça, c'est vrai. Ah, bah, voilà. J'adore dormir dans la nuit noire. Moi aussi. Et alors, d'accord. Moi, c'était rend... un bandeau pour les yeux. Et d'ailleurs, non, mais comment ça sert. Mais non, c'est insupportable. Ça fait une pression sur la peau. Ça fait pression. Oh, bon, allez. Je suis un quoi. Le gang des bébés cadom, ce que tu veux. Parce que je. Non, mais non, j'allais dire, je ne veux pas de rideaux occultants. Parce que j'ai déjà plein de rideaux dans ma chambre, ça va, on n'est pas non plus dans un palais. Je vais aller dans ton sens et en même temps non. Moi, le problème, c'est que j'ai acheté des rideaux occultants en me disant. Qui n'occultent pas. Peut-on faire. Parce que là, les gens ne savent pas, mais derrière toi, c'est une espèce de peau de bête. Non, il n'y a pas de rideaux dans mon salon. Non, mais dans mon salon, un plaid sur lequel ton enfant a chié probablement la semaine dernière. Mon chien a pissé aussi. Je peux pas dire plus. Elle adore chier, cet enfant, je peux pas vous dire plus. Non, mais le fait est que dans mon salon, il y a zéro volet, zéro rideau. Mais pour revenir à ce que je voulais dire, dans ma chambre, il y a des rideaux occultants et ça m'en fout. Je ne les trouve pas toujours 100%. Mais bien sûr, mais ils sont jamais. Et ça m'énerve un petit peu, voilà. Au prix où on paye. Et on passe des semaines à trouver des rideaux. J'ai l'impression que c'est un super podcast. On n'a jamais parlé de trucs autant chiants. C'est des grandes gueules. Les travaux, c'est nul. nul. C'est un podcast là pour les gens qui ont vraiment 70 ans qui aiment se plaindre. Mais c'est je crois que c'est plus ou moins notre public. Bah. Hein, mais moi, alors, j'en profite d'avoir une tribune me soit offerte. Il y a un truc. Madame Lévy, allez-y. Non, mais il y a un truc moi qui me met. Alors, c'est très niche parce que c'est totalement lié à mon métier. Mais il y a un truc qui me met dans une angoisse folle. C'est sur les tournages quand on se fait maquiller et les maquilleurs maquilleuses qui utilisent le même pinceau pour tout le monde. Oh bah là putain. Et moi ça me lâche alors, là, à chaque fois c'est genre eh bah allez j'ai elle est l'herpès. Alors allez, c'est terrible parce que ça me dégoûte. Moi moi j'adore me maquiller et je suis très skincare. Là, okay. Ça se voit pas parce que, enfin, ça se voit justement parce que comme je suis skincare, non, ben, on voit que j'ai des boutons, mais parce que justement, je ne vais pas saturer ma peau, sachant que je fais un rebond acnéique suite à un arrêt de pilule, bref, parce que je. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, déjà, il y a ce truc de désinfecter les pinceaux, qui est ultra important parce qu'en fait, vraiment, c'est tous les boutons, tout ça viennent de là, machin. Mais et moi, j'adore me maquiller et moi, j'ai un vrai problème avec les make-up en général, parce qu'en gros, quand tu aimes te maquiller, tu sais te maquiller, c'est difficile de se laisser un peu, tu vois, surtout que moi je me maquille pour aller sur scène, etc. machin, donc je fais confiance quand c'est pour le cinéma et tout, mais il y a des gens qui me maquillent pas comme j'aime me maquiller. C'est dur parce que souvent les make-up, quand t'arrives sur un plateau, te disent tout le temps des trucs genre, tu leur dis ouais j'ai un peu d'acné en ce moment, et ces phrases qui font genre oui j'ai vu, et tu fais oui j'ai vu mais t'inquiète je vais te cacher ça, quelle horreur. Moi, voilà, mais j'adore, et par ailleurs j'adore les maquilleuses et les maquilleurs, hein, je le dis t'inquiète pas. Non mais moi ça me dégoûte, ça me met dans une angoisse, voilà, je suis persuadé que j'ai de l'herpès à chaque tournage du coup. Bah, d'ailleurs c'est quoi là sur le coin de ta bien sûr, sans doute. Mais si c'est radieux hein, mais si je peux me permettre, c'est ce que j'allais dire, t'as une excellente peau. Il est radieux là, t'as un très bon teint. C'est l'herpès d'Alban Lenoir. On a connu pire espèce. On a connu pire espèce. Herpès, ouais. Non, mais parce que justement là, il y a une. J'ai tourné hier et il y a une maquilleuse. Parce que moi, je fais de l'eczéma très très vite. Ouais. Oh la honte! Pardon. Et elle prend soin vraiment de m'hydrater la peau vraiment quand elle me démaquille de ouf. Mais vraiment. Et du coup, quand je rentre chez moi, là, je suis luisant, mais. J'ai une meilleure fois. Les enfants d'Antoine Griezmann, Grisou, hein, moi je l'appelle. Ouais, la Griezmann. Oh bon Calmos, ses amis, on rappelle. Calmos, les amis, on le rappelle. Ont tous un point commun, outre le fait évidemment qu'ils ont le même papa. À votre avis, lequel? Le prénom commence par la même lettre. Ouais. Pas du tout. Il porte le prénom d'un objet. Non. Ah oui, bah il y a Chausse-pied Griezmann. Ils ont exactement les mêmes années d'écart. Pas les mêmes années. Ah non, je sais. Oh, il l'a entendu. Ils sont tous nés le même jour. Oui, c'est ça. C'est ça, ils sont tous nés le même jour. Ouais, ils sont tous nés le même jour. Il y en a combien? Trois mois. Ça, okay, c'est ça incroyable. Ouais. Combien d'années d'écart? Deux, tu fais genre. Combien d'années d'écart? Alors attends, j'ai pas tous les trucs. Tu me fais paniquer. Trois enfants, Mia, Amaro et la petite dernière Alba. Les enfants. Camaro, Camaro. Ouais, c'est Camaro. Martinez. Elle a le même petit collier de barbe. Martinez. Le premier enfant est né effectivement le 8 avril 2016. Le second, le 8 avril 2018. Et le troisième, le 8 avril 2021. Mais c'est fait. Attends, moi j'aimerais savoir si cette dame a accouché par voie basse ou si elle a prévu des césariennes. C'est alors, fou. L'article, je ne dis pas. Non, parce que si c'est des césariennes, elle était prévue un mois plus tard, elle a fait non, vous me faites une césarienne, c'est trop stylé. Ou l'inverse, il était bon. Bah ouais. Tu restes. Tu restes ici, tu ne sors pas. C'est un peu un pitch à la This Is Us, hein. Pardon, mais. Ah ouais, c'est vrai. Vous connaissez This Is Us? Bien sûr. Ah, j'ai plus pleuré sur This Is Us que sur des terribles nouvelles qu'on m'a appris dans ma vie. Ah oui, c'est très émouvant. Je comprends. Ouais. C'est affreux, tout bonnement. C'est génial, mais tout bonnement. Non, ils cherchent pas trop les larmes et tout. Moi, ça vient de faire. Non, mais ça vient de faire un endroit que je ne connais pas en moi, vraiment. Oui. Je me dis, mais je suis en profonde dépression finalement. Oui, d'accord. Bah, moi, je me souviens de la première fois, on me dit, putain, Flo, regarde This Is Us, tu vas à dos, oui. Et je mets le premier, et vraiment, les 10 dernières minutes où ça ne s'arrête pas, je fais. Là, je pleure beaucoup. Là, ça fait vraiment 10 minutes que je pleure. Et t'as continué ou pas? J'ai continué, mais là, j'ai arrêté au bout de la saison 1. Mais je suis nul en série. Ah non, mais je regarde pas les séries, moi. Ok. Ah bon? En fait, ben, oui, je regarde pas. C'est pour ça, à chaque fois, on fait une rétrospective ciné. Alors que moi, je vais pas au ciné. Alors que moi, je regarde les séries. Mais ouais, c'est ça, moi, je suis... Attends, t'as pas vu Game of Thrones? J'ai jamais vu. Non, Breaking Bad? Non, nul. Ah, Fleabag, t'as vu? J'ai vu Fleabag parce que c'était 2 saisons. Et c'était du 26. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est très long les séries. Et je me désespère. Pas toujours. Conseiller des bonnes séries courtes. Bah avec mes courtes, d'ailleurs j'ai vu Pamento Me de Seth Rogen parce que c'était une saison. Enfin, c'est voilà, pas les une série, ça c'est un docu, non? Non, c'est une série, 10 fois 40. Okay. Donc non, quand c'est court, ça va, bon. Mais Game of Thrones, mais Breaking Bad, j'ai regretté parce que ma meuf regardait ça, bah, en l'occurrence pendant le confinement, et de temps en temps je matais d'un œil et je fais, ah, ça a l'air pas mal quand même. Ouais, bah, regarde. Il faudrait, mais il faut que je me trouve du temps. Ceci dit, moi je me dis tout le temps, si on meurt pas trop jeune, on va avoir vachement de temps plus tard. Mais peut-être, non? Peut-être, oui, mais il y aura aussi des nouvelles prods qui vont pour lire, pour écouter de la musique. Oui, mais le temps va faire office de filtre. Il restera oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Le nectar. Le nectar. Et je crois qu'il faut aussi accepter qu'il y ait des choses qui passent et qui nous échappent. On peut pas tout voir, on peut pas tout entendre, on veut pas tout lire. Non. Et c'est pas si grave. Le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer. Le temps serait si vite écoulé. Fais le bilan calmement. On est sur France Culture. Serait mort à chaque instant. Ça dure si longtemps. Parler des histoires d'amour comme ça. Les jours passent comme les voitures. Alors. Ils ont jamais précisé, mais en fait, c'est des voitures sans permis, donc ça va assez lentement les gens. Ils n'ont jamais précisé. Les propriétaires d'un restaurant en Alsace. Oh mais quoi, toujours. C'est préparé cette émission. C'est incroyable. Bien sûr que oui. À ne pas confondre avec Uncut, la marque de Booba. C'est un restaurant donc qui pourrait écoper de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, car elle a instauré ont instauré dans leur restaurant une règle simple, mais on le savait pas, illégale. À votre avis, pourquoi? C'est un truc de raciste, non? Alors, ce n'est pas raciste. Non, parce que ça, je pense que les gens l'auraient su assez vite, quand même. Je crois que c'est pas tant qu'on a dit ça. Écoute, on reçoit que les Alsaciens. Sur souche, le reste ferme. Ça aurait été drôle qu'en Allemagne, les gens sachent pas que c'est illégal, quoi. C'est vraiment quoi. On peut pas. Est-ce que c'est pas un truc genre, ils ont interdit l'accès aux enfants? Très bonne réponse. Oh, wow. Ouais. On sent qu'il y en a un qui lit les bonnes petites pages de la dépêche. Et tu te dis, c'est illégal et c'est peut-être. Bête, c'est pas ça. On regrette que ce soit illégal, peut-être. Alors, moi j'ai un enfant, je peux pas vous laisser dire ça. Mais non, des horaires aménagés, oui, je pense. Ce serait en fait, ça faudrait faire des. Mais comme la SNCF, les TGV, je comprends pas qu'il y ait pas un truc de. Allez, mais avant il y avait. Non, mais y a ça trois existe wagons. Pas. Ouais, mais c'était des. IDZAP et IDZEN. Ouais, vous vous rappelez de ce truc? On est d'accord que c'était respecté par personne. Alors, attends, pour expliquer. Parce que moi je prenais IDZEN. Pour aller au bout. Mais c'était pas ZEN, putain. Non, il y a des putains de gosses à chaque fois. Moi j'aimerais, et on m'avait dit qu'apparemment ça avait peut-être existé à une époque, mais effectivement, j'ai l'impression que c'est plus une légende urbaine qu'autre chose, on l'a jamais vraiment vu. C'est que les. Je trouverais cool qu'il y ait des wagons, effectivement, pour les enfants. Et puis quand les familles, finalement. Ouais, tu veux dire que les wagons, pas pour les enfants. Oui, ou l'inverse, un wagon, quand t'as une famille, quand un de tes passagers est un enfant, il te fout avec les wagons où il y a des enfants. Comme ça, les gens qui n'ont pas d'enfants sont dans des wagons. Parce que d'être super dur quand t'es un enfant d'un parent très bien élevé et que t'es confronté à plein d'autres gens qui mettent pas de limites ou des trucs comme ça, ça doit être. Bah, moi, depuis que j'ai une belle ambiance dans les wagons. En plus, je fais l'effort, quand la petite est un peu agitée, je prends beaucoup le train, d'aller entre deux wagons. Ouais. C'est sympa, ça. Surtout qu'elle chie partout, non, tu disais. Surtout, c'est terrible pour les autres usagers. Ouais, en même temps, des fois, je me dis, franchement, est-ce que c'est pas à nous aussi, des fois, de faire un petit effort? Putain, les gens, ils ont. Non, mais je suis d'accord, c'est pas je suis d'accord. Ouais, l'enfant, il chiale. Ah, bah, parce que les gens sont tellement genre. C'est de leur faute. Mais... oui, c'est de leur faute. Oui, personne ne les a pensé. Mais le wagon bar. C'est beaucoup trop sur terre déjà. Le wagon bar est très bien fait pour ça. Le wagon bar, c'est génial parce que tu vas au wagon bar et l'enfant peut pleurer, jouer. Parce que moi, elle pleure pas tant que ça parce qu'elle est super. Mais elle fait des petits cris, elle joue avec ses jouets. C'est étrange que je te dise qu'elle me manque alors que je ne l'ai jamais. Laura m'envoie souvent des messages de montre-moi plus ta fille parce que tu l'as jamais vue et voilà. Parce qu'elle a une tête extrêmement ronde. Je sais pas si vous connaissez. Elle a la meilleure tête de France en fait. Je suis pas objectif. Vous connaissez une pièce de monnaie? Et bien c'est ça, mais en volume extrêmement mignon. Bah, c'est ça, le dessin animé Rolly Polly Oli. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est le même visage. Voilà, c'est le même visage que le héros. Non, mais voilà. Donc en tout cas, ce restaurant, pour aller au bout de cette histoire, dimanche, une famille s'est vue carrément refuser l'entrée. Donc c'est quand même un petit peu. Un peu dur. Technique. Au motif que les enfants ne sont pas acceptés. Sur la porte, le panneau était explicite. Pas d'enfants, merci. Wow. Ouais, bon, allez, je suis pas j'avoue que la froid. Ouais. Ah, ça peut être le restaurant non papy ça. En cours des gauches qui gueulent partout. Roland et Bénédicte Langer, les patrons, en conviennent. Je suis d'accord, je n'aurais pas dû mettre ce mot sur la porte. Nous ne détestons pas les enfants. Mais je suis stérile. On refuse ceux qui sont insupportables. Waouh. Oui, mais comment tu peux savoir à l'avance? Bah oui, tu vas pas les trier, c'est horrible. Et, non, mais ce qui est rigolo, c'est on refuse ceux qui sont insupportables, elle ne démord pas. Et 90% des enfants sont très mal élevés. Ah ouais, bon, tu détestes les enfants, arrête. Ouais, tu détestes. Gros réac, merde. Ils touchent à tout, ils crient, ils courent, ils abîment nos décors de Noël, mettent leurs chaussures sales sur les banquettes. Une petite fille a même mordu dans un verre pour essayer de le casser. Mais c'est débile. Là, c'est même triste pour l'enfant. Les parents nous ont dit que c'était de notre faute parce que nos verres n'étaient pas de bonne qualité. Quand on fait des remarques aux parents, ils nous insultent. Voilà. Ouais, bon, ils ont eu gros sur la pintade. Roland est sur la pintade. On peut pas aller voir les notes sur Google de Roland. Et... Ouais. Non mais j'ai envie d'un docu par contre où on voit un peu le quotidien de ce resto pour voir un peu. Oui, comment... parce que là apparemment ils sont harcelés par des enfants chaque jour. Refuser de servir des enfants est illégal lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu d'accueil accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende selon. 5 ans d'emprisonnement. Mais c'est autorisé à l'île Maurice, par exemple, je crois. Ah, il y a oui, des hôtels full sans enfants. Oui, j'y étais, moi, là, et il y avait pas le droit d'enfants. Ouais. Mais ça, je trouve ça pas mal, en fait, si c'est dans le programme du truc. C'est dans le programme, c'était pour les couples. Bon, je trouve que je suis pas du tout allé en couple, mais en tout cas. Pour les couples, j'ai envie de te dire, en fin de vie, hein, souvent, quand tu dis, oh, on va se prendre un petit hôtel. Ah non, sans moi, j'avais enfants. Pris un super hôtel où vraiment, il y avait que des gens lune de miel. En pleine rupture, c'était un délice. Donner la béquille au resto. Exactement, exactement. J'ai des super vidéos de moi mangeant seul. J'avoue que vraiment c'était d'un pathétique exceptionnel. Hein. Attention, moi j'adore aller à l'hôtel ou au restaurant seul. Non mais ça, moi c'est j'adore. Un plaisir. Non j'adore, mais quand mais est-ce que vous êtes sur deux... votre téléphone Non, moi j'ai booké. T'arrives du coup. Waouh. Wow, moi j'aime bien booker. Ah moi je non franchement. Non mais un magazine. Arrête, t'essaies de te faire cette réputation de mec qui est jamais sur son téléphone là, à publier ton rapport genre j'ai été qu'une heure. T'as Instagram sur l'iPad, c'est facile. T'es à combien d'heures pas ton j'en téléphone. Sais rien, mais j'assume, j'en ai rien à foutre. Merde, tout ça t'es... pour choisir des vieilles tout le valises. Temps sur téléphone. Mais je suis jamais sur mon téléphone. Mais t'es si, un malade, mais ou quoi t'arrêtes. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est la des fin. Fois, du... Écoutez, si. C'est la des... fin du podcast. Il y a vraiment, j'ai vécu cette scène. Il m'a levé la main en disant tais-toi. Regardez-le. Regardez-le. J'ai vécu cette scène des milliers de fois. C'est le Pascal Pro du podcast. Où je raconte un truc à Flo et il est sur son téléphone. Ouais. Mon anecdote se termine. Silence total. Il a rien. Il poursuit sa vie après. C'est-à-dire que je lui raconte un truc, il est là, il fait. Et toi, tu le fais pendant le podcast, cela dit. Oui, mais. Non, non, non, non. Parce que moi, je réagis et tout. Mais surtout, on n'est pas que deux, quoi. Oui, c'est vrai. Donc les gens animent. Toi, c'est dans la vie quotidienne. Je raconte une histoire. Fin de mon histoire, aucune réaction, il passe à autre chose, il était sur son téléphone et je il a une absence. Il m'a totalement ignoré. Et c'est vrai, j'ai appris de mes erreurs et c'est depuis que je suis moins sur mon téléphone. Et merci Adrien, grâce à toi, je suis moins sur mon téléphone. Toutes ses applis sont sur l'iPad, voilà pourquoi il a un super score. Oui, voilà, c'est facile. Ah, tu passes beaucoup de temps sur la tablette. Non, en vérité, mais c'est ce que disait d'ailleurs Aurel San dans le podcast. Ah, vous avez eu Aurel San ? Vous avez eu Aurel San ? On a eu Aurel. Nous, on l'appelle Aurel, mais après, c'est parce qu'on est frérot. Non, c'est vrai, en fait, j'ai supprimé Insta et Twitter de mon téléphone. Mais je suis évidemment sur l'iPad et c'est ce que disait Aurel San dans l'émission, c'est de dire en fait du coup le soir c'est ton moment détente, tu te dis bah là je vais faire une heure d'Instagram ce qui est énorme, mais tu fais que ça un peu comme j'ai arrêté l'alcool, je vois que dans des bars. Oui, bon, vous êtes toujours alcoolique quoi, c'est la même chose. Allez, mais moi j'ai pas dit que je voulais me désintoxiquer d'Instagram. J'ai dit que j'y étais trop dans mes journées, en fait. C'est vrai, dans les journées de travail, des fois j'écris et j'ai envie mais de cette ambition là que tu as fait résonner quelque chose de très fort en Adrien. Qui et l'agace je crois qu'il un petit faut peu. Je crois qu'il faut juste accepter. Oh, non. Non, c'est une posture. Non, je suis pas c'est une posture, c'est tout, c'est ça qui tomber les masques. C'est dans le nouveau podcast d'Adrien Méniel. Tomber les masques. qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, voilà. Allez, on y va. Allez, le chanteur des Guns N' Roses est dans la sauce. Alors, Axel, Axel Rose, par l'émission d'Axel Rose. Une fan l'accuse d'agression physique, bien qu'elle concède que ce soit un accident. Voilà, il a fait quelque chose. Un accident. Du coup, tout va bien. Qu'est-ce quel est le problème? Oui, mais justement. Négligence. Peut-être. Ah, excusez-moi, c'était ma bite. Oh là. Non, non. Caractère. Caractère sexuel. Non, pas du tout, pas du tout. Physique, physique. Ok. Ah, il a fait un, il a slamé et il lui a mis un petit coup de pied dans la joue. On s'approche de ça, mais il a mis sa main là où il ne fallait pas. Il a jeté le micro, il lui a défoncé la gueule. Extrêmement bonne réponse. Elle s'est pris le micro en pleine gueule. En pleine gueule. Elle était dans la section Diamond Standing. Bon, c'est un détail qu'elle nous donne. Non, mais c'est pas un détail parce qu'à mon avis, ça coûte 600 euros. C'est que vraiment, c'est pas un détail, je pense qu'elle l'a dit. Au moment de la dernière chanson, Paradise City, il a lancé son micro dans la foule et là, bang, en plein sur l'arête de mon nez. Oh, wow. Elle a ajouté, j'ai pensé, oh mon dieu, mon visage est ravagé, et c'est le cas. Et si ça avait été quelques centimètres à droite ou à gauche, j'aurais pu perdre un œil. Et si j'avais été frappé dans la bouche et je m'étais cassé les dents, si j'avais tourné la tête et qu'il m'avait frappé à la tempe, j'aurais pu mourir. Non, mais ça c'est les woke ça. Ça c'est les woke. C'est un concert de hard rock, putain. Putain, vous attendez à quoi? Mais c'est quand même un peu. Allez un voir peu trop imprudent. Gourmand, si vous voulez pas un oui, micro. Oui, mais dans c'est un peu imprudent quand même. J'avoue que c'est un peu limite. Parce que là, ils ont un certain âge, les fans de Guns N' Roses maintenant, non? Déjà, ils disent Guns N' Roses au lieu de Guns N' Roses. Les fans, tellement ils sont vieux. Je crois que les fans, ils disent les Guns. Les Guns. Je suis allé voir les Guns. Ça commence à tirer sur les articulations, donc c'est peut-être pas le moment de dégommer un nez. C'est comme ça où tu dis, oh là là, 1h20, après on va rentrer. On reste pas sur la dernière chanson, on va pas avoir les embouteillages. Axel Rose lui-même est déjà plus tout jeune, j'imagine. Là, il est plus tout jeune, mais même il avait. Est-ce qu'il a fait exprès de jeter son micro? Est-ce qu'il l'a pas simplement fait tomber? Il l'a fait tomber. Non, non, lui il a réagi. Il a dit: j'ai appris qu'une fan avait été blessée lors du show en Australie. Si c'est vrai, là, au moment où je lance. Alors déjà il dit: Si c'est vrai, bon, Axel, elle n'aurait pas inventé ça. Pas, c'est pas comme ça qu'on fait des excuses. Nous ne voulons évidemment pas que quelqu'un soit blessé à l'un de nos shows ayant lancé le micro à la fin de nos concerts depuis plus de 30 ans. Alors apparemment, c'était ça spécial, à chaque fois, il lançait le micro. Nous avons toujours pensé que c'était une partie connue de la toute fin du show et que les fans voulaient et étaient conscients d'avoir la possibilité de saisir le micro. Oui, en même temps, il n'a pas tort. Néanmoins, dans l'intérêt de la sécurité publique, nous nous abstiendrons dorénavant de lancer. Et bah voilà, la cancel culture. La cancel culture. Pardon, on peut plus rien dire, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Alors maintenant, on peut plus balancer des micros à gueule des gens. Oh putain. Mais si je peux me permettre, je pense qu'elle était pas très attentive pour se prendre le micro dans la gueule. C'est qu'elle regardait pas. Ça faisait 1h40 qu'il y a du concert. Non, mais elle était sur son téléphone, sûrement. Ah, bah, et voilà. Si elle avait fait comme moi, qui suis un exemple pour les gens par rapport à leur téléphone. Je suis jamais sur mon téléphone, je sais à peine ce que c'est. J'arrive plus à décrocher, je sais plus comment ça marche. Tiens, t'entends, il y a quelque chose qui sonne là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est ma montre. Je sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez déjà eu une mésaventure sur scène, quelque chose? Parce que j'ai vu que tu avais partagé en story récemment et ça m'a fait penser parce que j'ai coécrit le spectacle de Baptiste. Ouais. Et récemment, il a joué à Nantes le soir d'un match de Nantes et il a vraiment vu des gens avec le téléphone. Ça, oui, ça m'est arrivé il y a quelques jours. Bah, il y a parfois des bonhommes qui sont traînés dans les salles de spectacle. D'ailleurs, j'en peux plus de ces gars. non, mais je te jure, parce que au début, je me rendais compte qu'il y avait comme une sorte. Tu sais, tu les vois un peu au premier rang, puis c'est des messieurs quoi, qui sont vraiment un peu traîner de force, et puis ça te met un petit challenge au début, puis après je me suis dit ah non, je ne veux pas jouer le jeu du patriarcat. J'ai pas envie de convaincre qui que ce soit mon spectacle est bien. Donc à un moment donné je les calcule moins, mais il y avait effectivement ce monsieur qui était tout le temps sur son téléphone en train de regarder le match. Notamment j'ai un final quand même dans la nuit quasiment, enfin dans le noir, qui est un peu émouvant en plus un peu, et il était vraiment il était au premier rang, donc j'avais vraiment le reflet de sa gueule. Baptiste, il était emmerdé lui parce qu'en fait c'est les reports, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait un truc de t'as déjà, en fait, ils ont pris et la place pour dire. Et moi aussi c'était un report. Et moi aussi c'était un report, donc j'ai rien dit, j'ai juste dit en salut de manière très énervée, donc je pense que ça fait trop pitié de faire ça. Bah, il a laissé j'ai deux étoiles dit, sur la merci Fnac, à tous, c'était trop, merci d'être venus ce soir et pas merci pour ceux qui étaient sur leur téléphone portable et je regardais. mais c'était nul, mais en vrai non, on a super. Ça c'est un truc qui arrive très peu quand même. Ouais. Après oui, quand tu vois des gens enfin, moi j'aime bien ne pas les voir, quoi. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est terrifiant le public. Ouais, hein. C'est ça, t'aimes bien être dans des fois, ils baillent. Je me rappelle que je suis tombée sur une nana qui baillait grave au premier rang. Puis après, elle avait fait une story incroyable. Mais je me suis dit, t'es vraiment tombée sur le moment où elle baillait et elle a le droit de bailler, quoi. Tu vois. Puis même, moi, je trouve que sur un spectacle d'une heure, quand je m'observe moi-même ou même d'une heure et demie, j'ai quand même tendance à. Il y a des moments qui m'échappent et c'est tout à fait OK. Et c'est tout à fait normal, quoi. Mais c'est juste que donc, quand t'es confronté à ça, c'est un peu dur. Mais mes aventures, de vraies mésaventures. On a eu Des trucs, Mathurin, on en a eu quelques-unes après, mais sinon avec des gens, toi tu parles avec des gens, sinon... non en général, mais j'ai fait des 20-30 minutes sans micro, des 20 minutes sans micro, Moi j'ai joué aussi sans micro, mais tous mes passages, et du coup je hurlais dans le théâtre pour qu'ils entendent, mais du coup ils sont là genre attendre l'oreille, enfin c'est compliqué, mais bon. On s'en sort vivant finalement de ces histoires. C'est aussi ce qui fait que c'est le spectacle vivant. Exactement. Sinon tu mets un DVD. Non, c'est vrai. Mais dans l'histoire de téléphone, moi j'étais allé voir Kian Kojandi sur scène. Et à un moment, il remarque, et Kian lui pareil, est un peu comme Baptiste, c'est un peu des nazis de ça. Enfin, il le voit direct quoi, il y a une petite lumière et tout. Et ils disent quelque chose. Et Kian, alors Baptiste il fait des vannes, Kian moins. Kian il fait excuse-moi, pardon, tu as ton téléphone, en fait je le vois, ça me déconcentre et tout. Et il fait ça. Donc génial. Mais il pose le truc. Et en fait, le pauvre, la meuf a dit en fait, je suis le Parisien. En fait, je prends des notes du spectacle parce que c'est moi qui fais la critique. Ok. Non, elle prend pas un portable. Je suis désolé. Rien à foutre. Voilà. Et donc du coup, il a retourné marrant, le truc. Et il a fait marrant. Une bonne vanne en disant ok. Vanne. Gardez votre téléphone, pas de soucis. Enfin, je sais plus comment il s'en est tiré, mais c'était marrant parce qu'il y avait vraiment un truc de. Il voulait un peu la fumer parce qu'il était là, genre putain, ton téléphone. Et après, genre. Mais même, franchement, même les gars comme ça, il faut pas qu'ils écrivent sur leur portable, hein, c'est pas possible. Bah ouais, mais après. Il y a ce qu'on appelle des stylos et des calepins, quoi, merde. Mais oui, mais il y a pas de lumière, comment tu fais? Ouais, si t'as t'arrives, quand même un peu t'arrives de lumière, la scène. Non, t'as assez suffisamment. Tu sais ce que tu fais, tu prends des notes vocales. Moi, je sais pas. Non, mais voilà, tu te démerdes, tu prends un dictaphone, en fait. Moment très drôle. Excusez-moi. Non, mais je vous demande, parce que moi, vu que j'ai. Plus de téléphone, enfin je sais pas comment tu sais plus finalement. Ah ouais, c'est vrai, comment c'est ça plus, non, et une fois détox. À Bordeaux, je crois, ou à Toulouse, j'ai eu envie de faire pipi au moment de rentrer sur scène. Oh, et j'avais ma robe de marquise, parce que je commence avec une grosse robe de marquise. Et comme il fallait y aller. Et j'avais j'avais tout. Et c'était un tout petite loge avec un tout petit toilette. Et j'étais collé à la scène. Et collé j'ai dit, à la scène, c'est il faut que tu me tiennes la robe. Et donc il m'a tenu la robe pendant que je pissais. Et à ce moment-là, le public faisait. Ouais, c'était chaud. Et on était putain, c'est maintenant. Ouais. Ils étaient conscients que tu faisais ça, ils t'encourageaient. Ouais. Non, pi. Ouais. Et ça, c'était un peu speedos, quoi. Mais c'était marrant. C'était oui, tu peux pas pisser sur scène à la manière de. Je chie par contre sur scène. Oui, à la manière de ma fille. Des scientifiques ont fait une découverte chez les serpents, à votre avis, laquelle? Eh bien, paraît-il qu'ils sont vraiment équipés d'une sonnette. D'ailleurs, je voudrais juste te dire par rapport à l'interphone, et je me permets de rebondir là-dessus. En bas, tu sais qu'on peut facilement découvrir le code de ta porte. Pourquoi? Puisque les quatre boutons sont vraiment identifiables. Il n'y a plus de couleur sur les quatre chiffres. Donc, il y a juste quatre possibilités. Voilà. Non, c'est fait une autre découverte sur les serpents. Les serpents, est-ce que c'est lié à des... Et qui soulève une petite question, d'ailleurs, même sur le monde scientifique. Est-ce que c'est un truc par rapport à leur intelligence qui est plus évoluée que... Leurs émotions? Pas leurs émotions, pas leur santé. Leur âge, leur durée. Leur dinosaure, leur compétence. Pas leur compétence, pas par rapport aux dinosaures. À leur nourriture. Pas leur nourriture. Le sexe. À leur nom. Le sexe. Ils ont une énorme queue. Ah non, ils sont homosexuels. Alors, ils ne sont pas homosexuels. Tous. Tous. Unanimement. Ils ont voté. Comme un serpent. On est tous homo. Non, mais c'est lié au sexe. C'est la PMA. Non. Ah, est-ce que. Ils mangent leurs enfants. Est-ce que c'est comme les hippocampes? C'est-à-dire que c'est le mâle qui... Ouais, est-ce qu'il y a un délire de fécondation? Non. Est-ce qu'ils peuvent changer de sexe? Ah, ils ont des orgasmes. Alors, ils ont... Alors, ça, je ne sais pas, peut-être. Ils ont du plaisir. Ils se branlent. Ils peuvent jouer à répétition. C'est lié au plaisir. Ils se branlent et c'est pour ça qu'ils sont, qu'ils sont sur le ventre tout le temps. Sinon, ils auraient des pattes. Ils ont fait, non, mettez-nous pas des pattes comme ça, on se branle sur le sol. Non, alors c'est lié à l'orgasme d'une certaine manière. Mais c'est plus précis que ça. Je vous À la manière dont ils jouissent? Pas la manière. La durée de l'orgasme. Ils hurlent en fait. Ils hurlent quand ils jouissent. Oh, c'est pas vrai! En parfait français. Mais quel plaisir d'être un serpent! Pensez à plaisir, pensez à orgasme, pensez à. Bah, jouissent à répétition, ça s'arrête jamais. Non, le sexe, comment il baise quoi? Non, c'est un. Comment il baise quoi? Non, les serpents. C'est un truc. Les serpents physiques. Au sperme? Non, pas lié au sperme. C'est des énormes juteurs. Vous connaissez pas cette expression juter comme un serpent? Comme une couleuvre. Juter comme une couleuvre. Juter comme un orgelet. Cela dit, c'est un orvet parce qu'un orgelet, c'est le truc que t'as à l'œil. Ah, mais on est con. C'est pas grave, on a juste quand même un orgelet. Juter comme un orgelet. On l'a dit 6 fois sans relever. Putain, c'est fou. Non, c'est une caractéristique. Orgelet, c'est ce que t'attrapes quand les maquilleurs ne changent pas de pinceau. Changez vos pinceaux désinfectés. Ça demande un truc physique. Donc ça se voit. Oui, oui. Ils ont des organes externes. Ah, c'est par rapport à un organe externe. Ils l'avaient pas vu. Ils ont rendu compte. Ils ont dit quoi? Ils ont un clitoris. Très bonne réponse. Ils ont un clito. D'Adrien Méniel, les femelles serpents ont des clitoris. Mais genre externe, qu'on voit. Alors je vais te. Parce que déjà, ils ont une vulve déjà. Écoute, je ne sais pas. Attends, je demande trop. Comment? Moi, longtemps que j'ai pas ken un serpent. Je me souviens plus. Bah, t'as arrêté en même temps que le téléphone. Déjà, trouver le clitoris chez une femme. Non, c'est déjà. C'est une légende. C'est une légende. Le quoi? Le oui, non, non. Le quoi? Je sais pas. C'est un truc que j'ai lu dans un bouquin de féministe. Ouais, un truc avec des sorcières, j'imagine. C'est les woke, ça. Pour en avoir le cœur net, l'équipe de chercheurs d'université australienne et américaine a disséqué et étudié au scanner 10 spécimens d'adultes appartenant à 9 espèces comme le piton ou la vipère. Ou un serpent qui s'appelle, alors ça m'a fait rire, le mocassin mexicain. On dirait justement une position sexuelle pas ouf, le mocassin mexicain. Oui, ou un peu cosy quand même, je trouve. Ou un catcheur mexicain. Autrement dit, un échantillon des 4 principales lignes de serpents existants, ils ont clairement identifié chez tous un petit organe situé dans la queue des femelles, composé de 2 langues de chair séparées dans leur longueur. C'est donc le clitoris, mesurant moins d'un millimètre ou jusqu'à plus de 7. Comme moi. Les plus larges se trouvent chez les vipères. Leur tissu érectile, c'est-à-dire susceptible de se gonfler par un apport de sang, ont aussi de nombreux faisceaux nerveux, suggérant que leur stimulation pourrait fournir une réponse sensorielle. Donc ça, leur position près de l'organe génital féminin, à un endroit où la peau est plus fine, procurerait ainsi une stimulation pendant l'accouplement par des comportements de copulation, comme l'entremêlement des queues, qu'on voit souvent chez les serpents quand ils kennent. Bien sûr. Le chevauchement. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Oui, j'imagine. De toute façon, c'est ça. Ou alors, ils peuvent se frotter comme ça. Comme ouais, bien sûr. Faire des ciseaux, là. Et en conséquence, des rapports plus longs et plus fréquents avec, au final, les plus grandes chances de succès de reproduction. Eh bah, bravo. Mais donc, quand même, zéro notion de plaisir, encore une fois, là. Bah, je crois pas. Bah, je crois si, normalement, le clitoris, c'est un organe qui est uniquement dédié au plaisir, le clitoris. Mais et aussi à la stimulation, du coup. Oui, mais aussi, du coup, parce qu'on sait si elle ressent du plaisir ou pas, ça. Bah, si, mais stimulation sensorielle, il a dit. Bah, si, oui. Donc, normalement, oui. De toute façon, c'est la seule fonction du clitoris. Fournir du plaisir, donc. C'est vrai. A priori. C'est ça. Et tant qu'on est un tout petit peu dans les organes et les animaux, savez-vous quel animal a le plus gros pénis du règne animal, proportionnellement à sa taille, bien sûr. Pas la bite d'éléphant, par exemple. Oui. Proportionnel à sa taille. Une baleine. Alors, ce n'est pas la baleine. C'est un insecte ou pas? Ah, c'est vrai qu'il y a une très bonne blague sur une bite de chameau, par contre. Une blague de bite de chameau? Ouah, non, je peux. C'est vraiment une blague de billard. Ah, bah attendez. Moi, mon but est de devenir vraiment les grosses têtes in fine. Une blague de bite de chameau. S'il te plaît, raconte-nous l'histoire de la bite de chameau. Allez, on peut la couper. J'ai un peu honte. La bite de chameau. Ok, ok, ok, j'y vais. J'ai un peu honte, mais allez, on y va. Elle est pas dans le spectacle, on peut la faire. Il a dit hier à table, c'est ma blague préférée. Je viens de dire en préambule, je ne sais pas à qui j'ai piqué cette blague, mais ça fait des années que je la ramasse. Je ne sais pas à qui. C'est des blagues. C'est des blagues, elles sont à tout le monde. Eh oh, c'est histoire, les woke là. Eh oh, qui a piqué là autour de cette table? Non, je crois pas. Si, mais. C'est histoire d'un homme. Il a une voix comme ça en fait, il s'exprime de cette manière, il a une voix très fluette, très légère et c'est un vrai handicap dans son quotidien quoi putain, il sait pas comment faire pour pallier à ça finalement et il décide d'aller voir un médecin. Il dit voilà bonjour, vraiment j'y arrive plus quoi, est-ce qu'on peut passer par une chirurgie peut-être, faire quelque chose pour me soigner de ça parce que je voudrais avoir une voix beaucoup plus virile, beaucoup plus grave. Le médecin lui dit écoutez, je connais quelque chose d'assez formidable qui pourra vous éviter une intervention chirurgicale, ça s'appelle la bite de chameau. Ah bon, c'est quoi? Vous voyez, vous prenez cette bite de chameau, il lui donne une bite de chameau, voilà, pour vous rentrez à la maison et vous la sucez, mais beaucoup très fort. Ah putain, j'ai pas assumé. Non, si. Attends, on est captivé. Pour moi, ça pourrait être la chute, donc tout va bien. Vas-y, continue. Les gestes sont exceptionnels. Ouais, c'est ça. Vous la sucez, et tout va très bien se passer, monsieur, vous verrez fait. Ok, super, bon, merci beaucoup, docteur. Donc il rentre à la maison, il prend sa bite de chameau, et puis. Bon allez vas-y, je suce, putain la vache. Et là le gars il a une voix mais extraordinaire quoi, putain. C'est Barry White, genre vraiment il est trop content quoi. Il continue sa journée, c'est génial, et puis voilà, il avance, salut tout le monde. Et oh putain merde, ma voix est revenue comme avant, putain, c'est trop chiant, merde, ok bon. Bon bah alors du coup il faut que je retourne sucer la bite de chameau quoi, putain. Bon allez, je retourne à la maison et puis merde putain, allez où ma bite de chameau, c'est pas vrai ça, putain. Cherche, il retourne à toute maison dans tous les sens. Et puis à la fin il appelle sa femme, il fait putain, chérie elle est où la bite de chameau? Et elle lui répond, dans le placard. Je l'ai vu venir, mais oui. Merci. Si, c'est ok. Quel talent d'interprétation, quel cador de la blague. Mais c'est ça. Elle n'est pas dans le spectacle. Elle est où? Elle n'est pas dans le spectacle. Par ailleurs. Assez peu de bites d'animaux dans le spectacle, on peut le dire. Très peu. Malheureusement. Mais c'est ce que dit la critique de la FNAC. Hein. Elle dit un peu court et malheureusement, une absence totale. Pourquoi ne parle-t-on pas des clitos des vipères? Ça suffit maintenant, madame. Le clito de la vipère peut être aussi le titre. Demi-spectacle. Le clito de la vipère, c'est un petit peu. Agatha Christie un peu. Ah ouais, j'ai un petit bouquin du Club des 5. Le Club des 5 et le clito de la vipère. Là, cet animal, alors pour vous donner un petit peu une idée de la taille de l'animal, je fais le calcul sur un humain, ça voudrait dire qu'un mec d'un mec 80 aurait un pénis de 86 cm. Ah, je le connais. C'est vrai, il y en a. Un pénis qui pourrait faire le. Bah, ça doit être l'escargot. Train de la mine à Disney. L'escargot? Pas l'escargot. C'est un rongeur, non? Pas un rongeur. C'est un animal qui est petit? Pas si petit. Ok. Faire un mime. C'est un animal domestique? Pas domestique. Un raton, un genre de la taille d'un raton laveur? Ouais, franchement, on est là-dessus. Donc c'est une marmotte. C'est pas un rongeur, la taille, elle dit. Oui, c'est un rongeur, j'ai demandé. Non, elle a dit la taille d'un raton laveur. Donc oui, c'est. Ah, mais c'est pas. D'accord, c'est pas un rongeur. C'est sauvage, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de le rencontrer et du coup de voir ça. C'est un singe? C'est pas un singe. Je vais vous dire. Un oiseau? Ce n'est pas un oiseau. Ils ont des bites, les oiseaux. Wow, ils ont des bonnes queues. Un toucan, je peux te dire. Je peux dire que Merlin est pas secrétaire. Pour rien que le toucan, c'est le logo de Marc Dancel. Hein. Bah oui, c'est vrai. Ah bon, c'est vrai. Énorme queue. Non, j'invente. Mais, c'est vraiment le logo de Marc Dancel, mais je pense pas que ce soit parce qu'il a une grosse bite. Enfin, okay. Imagine. S'il nous écoute, et on sait qu'il nous écoute d'ailleurs. On sait, il nous a proposé des trucs. C'est vrai. Bonjour, Marc. Coucou. Est-ce que de quel continent? Afrique? Je ne saurais pas te dire. Je pense qu'il y en a en Afrique. Amérique, il y en a. Amérique. Ah, c'est un. C'est un animal à peu près d'une trentaine. Un ratel, une sorte de ratel. Ah, un wolverine. Une trentaine de centimètres. Ouais, un blaireau. Un blaireau. La forêt. C'est pas dans la. Peut-être sa vie dans la forêt. Dans le désert. Dans. Ah, un petit. Désert, c'est exactement ça. Il y en a dans le désert. Ah, un fennec. Un suricate. Un mammifère, pas un suricate. Ah putain, attends, on va trouver. Il est dans la famille des Daspodidae, ouais, et des clams, il faudra dire, je vous donne des trucs. C'est un marsupial ? Non, pas un marsupial. Un chameau. C'est vraiment un mammifère. Un mammifère. Connu pour sa façon de se défendre des prédateurs. Bon, on va donner un petit indice. C'est-à-dire qu'il use de son corps, de sa carapace. Pas d'une queue. Ah, l'armadillo, le pangolin ? Non. Ouais, je vais te l'accorder, on n'est pas loin. Ah, papa, attends, si on n'est pas loin, on va trouver un platypus. Je me demande si un pangolin, c'est pas une famille de la bestiole. Est-ce que c'est un truc que je connais? Ah oui, je connais, c'est un animal très connu. Hein. Mais quand ça s'appelle le perso, putain, j'en sais rien. Putain, je suis le bon anglais. Pangolin, tu l'as. En tout cas, les auditeurs l'ont, je pense. T'es vraiment pas loin. Bah c'est une sorte de raton laveur quoi, une sorte de chauve-souris. Un castor. Non. Bah non, c'est une carapace en tout cas dans le pangolin, il y a une tortue. Grosse carapace, non. Une petite tortue avec une énorme tête. Que... mignonne, oula. Coucou oula. Les amis. Après, bah j'ai quand même 200 ans donc. J'ai une grosse. Waouh. Je m'attendais pas à vous voir là. Je suis lent mais quand même. Non, je vais vous le donner. Attends, allez, attends. C'est un animal qui a une carapace. Qui a une carapace, très connu pour sa carapace. Mais putain. Quoi c'est, je... Ouais. J'essaie d'imaginer un animal avec une ça carapace. Ça commence par la lettre T, voilà. Bah, un tatou. Un tatou. Ah putain. All the things she said, all the things she said, ouais. Cela dit, il y avait très peu de pénis dans le groupe tatou. Non mais attends, mais grosse clitoris par contre. Énormément de clitoris. Est-ce que t'as une photo? Alors j'ai évidemment une photo, je vais vous montrer. Alors avant le tatou. Mais c'est pas le canard parce que putain, c'est plus grand que le canard. Parce que le canard. Ah ouais. T'as déjà vu une bite de canard? Non. Un enfer. C'est pas vrai. C'est, on dirait un intestin. Ouais. Qui est en forme de tire-bouchon. Wow. Ah, c'est vrai. L'enfer. Alors je termine quand même sur le tatou. Oui, sachez qu'il a quand même un pénis de 15 cm alors qu'il fait 33 cm. Wow. Donc on est quand même la moitié de son corps. Ah, oui. L'écologiste brésilienne Nina Attias a consacré une thèse à la parade nuptiale de ce tatou très bien pourvu, réussissant même à le filmer. Et la longueur de son appendice n'est pas la seule étrangeté. En effet, le tatou à 6 bandes se reproduit en courant. C'est-à-dire que il a pas le temps. Lui et la femelle courent comme des fous. Tout est désagréable. Walk with me. C'est il court avec une énorme tub en vitesse. Voilà, putain. C'est ça. Ce qui est fou, c'est qu'ils prennent pas les pieds des ratons laveurs. Ils se prennent pas les pieds dans sa propre bite. C'est ça qui est assez dingue. C'est dingue. Et donc pour vous montrer le pénis, alors c'est un pénis coupé. Hein. Je vous montre, on voit pas le tatou avec son pénis. Voilà, ça, ça ressemble à ça. Voilà. Sur un métessage. Mais là, on a rien. Il aurait pu mettre un petit objet pour l'échelle. Il aurait fallu branler un tatou. Et je pense que la scientifique a dit, je vais peut-être pas montrer des photos de ça. Ouais, c'est une bonne taille. Et donc là, le pénis du canard, c'est un truc un peu en tire-bouchon. Voilà, très long. Ouais. Mais attends, mais ça pend. Mais là, c'est plus grand que lui-même en fait. C'est donc, un dessin. Non, pas du tout. C'est pas un dessin. Ah bon? Ah non. Mais je comprends pas. C'est pas en érection. Moi, je pense que ça. c'est mid-journée, ça. C'est un truc d'intelligence artificielle. Non, mais c'est, excusez-moi, faut qu'on arrête le podcast. Là, faut qu'on parle. C'est pas bizarre ce qu'on est en train de voir. Oui, non, mais ils ont une très longue bite en forme de tire-bouchon parce que la femelle canard a un vagin en forme de tire-bouchon. Ah. Et donc, parce que c'est donc Gérard Depardieu. Putain, la nature est incroyable. Waouh. Sublime. Génial. Chers amis, on arrive tout doucement, mais à pas de loup vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est triste, mais c'est la life. On va faire tout simplement le tour des invités pour connaître vos recommandations culturelles. Effectivement, s'il y a des choses. Ah oui, j'ai oublié de vous relancer, pardon. Alors, c'est pas forcément des trucs récents, c'est des trucs que vous avez consommés récemment, mais si vous avez vu un super film des années 80 il y a deux jours, vous pouvez conseiller ce super film des années 80. Wow. Ça peut être du cinéma, du théâtre, de la musique, un jeu vidéo, de la littérature, peu importe, j'ai envie de vous dire. Adrien, est-ce que tu as quelque chose? Parce que tu as toujours une petite liste. Ouais, mais là je l'ai pas. Tu l'as pas mis à jour. Je tournais, je bossais, j'ai pas eu le temps. C'est vrai qu'en ce moment tu vas à Mons et Parvaux. Ouais, exact. Tu vas un peu aux deux. Ouais, bon. C'est bon, t'es au taquet là. Je suis Jackie Chan français. C'est vrai que t'es Jackie Chan français au plus. Ouais. Non, mais en plus, d'ailleurs, bon, on s'en branle. Mais arrête avec la maquilleuse, c'est chiant. Non, mais si en ce moment je re-regarde la série It's Always Sunny in Philadelphia. Oui. Et ça fait plaisir parce que c'est il y a vraiment il y a zéro limite quoi, c'est très très outrancier. Ouais. Et c'est assez agréable quoi. C'est assez horrible. Moi, surtout maintenant qu'on peut plus balancer des micros dans la gueule des gens. On va bien se le faire, c'est ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour dire, j'ai vu passer des gens qui disaient "Waouh, The Office maintenant ça pourra plus se faire." Si, totalement. Enfin, c'est même pire, c'est une des comédiennes de The Office. Oui, il paraît que mais c'est toujours souvent les gens qui ont participé à des trucs, ils se disent bon, de toute façon ça on pourrait plus. Les délires qu'on s'est tapés, non, Dieu fils, c'est assez. Justement, en plus, c'est justement, il y a les propos qui sont déplacés sont dits par des gens qui sont identifiés comme les gros cons, etc. Donc, et puis surtout, c'est genre la génération actuelle adore The Office. Tous les gens, enfin, c'est n'importe quoi. Bref. Ouais. Mais voilà, It's Always Sunny in Philadelphia. Et si j'ai un autre truc qui me revient, je le dirai après. Oh, bien sûr. Je vous laisse bien. Laura, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Oui, moi, en ce moment, je suis en train de lire L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter, que j'aime beaucoup. Oh, et dis-toi que Malik Bentala nous l'avait également conseillé dans le podcast. Donc ça fait quand même deux personnes. Mais c'est son pote, donc ça ne compte pas. Et toi, c'est un peu mon ami aussi. Aïe, aïe, aïe. Et je dois dire que c'est très marrant, vraiment. Ouais, c'est pareil, hyper drôle. Ouais. Et ses stories sont super drôles. Donc je vous conseille de le suivre sur Insta parce qu'il est vraiment trop marrant. Et en ce moment, J'écoute beaucoup de musique classique. Ah ouais? Moi, je sais pas, j'ai une phase. J'ai un problème avec les violoncelles là en ce moment. Ah ouais. Donc beaucoup de sonates. Tu t'es embrouillé, avec les violoncelles. Mais j'ai pas de recommandation à part taper violoncelle sur Deezer. Voilà. Cédric, est-ce que tu as une recommandation? Eh bien sûr, je pourrais avoir une recommandation spectacle. Bien sûr, j'ai même pas qui pensé. Qui est un spectacle que je cite à chaque fois parce que je le trouve formidable, de François de Brouwer. Ah bah bien sûr. Qui s'appelle Renfer de Marie qu'on a reçu. Oui. C'est vrai? Ouais. Oui, Marie, bien sûr. Ouais. Mais parce que Marie, elle fait des podcasts. Ah, Marie, aussi, pardon, oui, j'avais pas entendu que tu parlais de la sœur. Oui, bien sûr. François, rencontre avec une illuminée qui est géniale. Ça parle, sans trop spoiler, mais pour donner un peu envie aux gens. C'est sa rencontre, c'est son histoire. Au début, il explique qu'il doit écrire un spectacle. Okay. Et qu'en fait, il a un problème parce qu'il n'arrive pas. Il a une date butoir qui arrive. C'est le spectacle dans le spectacle. Et du coup, il raconte un peu comment, avec les rapports qu'il a avec son metteur en scène. Et en fait, il finit par péter un plomb et on sort de cette histoire pour raconter finalement ce qui lui arrive. Ouais. Et c'est très beau seul en scène, très très bien. C'est vraiment, c'est un bonheur. Un peu drôle ou ouais quand même. Oui, c'est marrant, c'est pas que marrant. Voilà. Parce que du coup, lui c'est celui qui est à la Starac ou c'est son frère? Non, c'est son frère. D'accord, okay. C'est son frère qui enseignait Pierre de Brouwer, qui était le prof de théâtre. Famille d'artistes, c'est incroyable. Très très beau seul en scène. Très bien. Et ça se joue où, ça? Alors ça se jouait. Alors justement, là en ce moment, je ne sais pas. Je pense qu'il y aura quelques dates exceptionnelles, peut-être au Grand Saint-Martin, mais c'est pas sûr encore. François de Brouwer. François de Brouwer. Et sinon, il est en tournée. Et je pense qu'il va être un peu en périphérie de Paris aussi. Il y a quelques dates où on peut aller attraper, genre à Vincennes, des trucs comme ça. Ouais. Et parce qu'il a beaucoup, joué à Paris cette année, mais il va partir en tournée. Et donc il est. Il est trop fort, franchement. Mais il prolifère. Et il y a un de ses spectacles qui est disponible sur YouTube qui s'appelle La Loi des prodiges. Ah, mais ça c'est bien pour nos auditeurs. Ça peut être un premier pas vers ce qu'il fait. Disponible gratuitement sur YouTube et qui est apparemment exceptionnel. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est exceptionnel. C'est bien ça, ce truc. Ouais. Les gens le font de plus en plus, de mettre des vrais. J'ai vu que Farid, pareil, il a mis 30 minutes d'un spectacle. Ouais, mais Farid, il est généreux avec ça, je trouve. Ouais, en ouais. Vrai. Mais ouais, mais parce même que souvent, il lâche des. Il dit, ouais, c'est 30 minutes que j'ai pas utilisé, c'est des vraies bonnes vannes quand même. Bah oui, c'est ça. Et je trouve ça généreux. Et le ça faire, marche vraiment bien à chaque fois que quelqu'un met du stand-up sur YouTube. Franchement, souvent, ça fait quand même. Souvent, ça marche. Kian nous en avait parlé. Ouais. Que Pulsion, ça avait cartonné sur YouTube. Ben, comme la capta aussi de Marina Rollman sur Canal+, ça a vachement marché parce que c'est hyper bien à voir en... Et c'est beau, hein, la capta aussi de Marina. Très, très beau. La mise en scène est très, très vraiment jolie. Très belle, quoi. Ouais. Elle a fait ça au Paradis Latin, je crois. C'est ça, ouais. Et c'est vraiment une très belle salle. C'est j'avais très vu Foresti là-bas. Ouais. Et c'est génial. Bah, il faut aller voir Foresti ici, par contre. Ouais, ah ouais. Pas, mais j'aimerais bien. Mais bien sûr. Ah bon, bah, tu vas nous dire. Mais non, mais surtout, en plus, moi, je peux. Enfin, le Caplin, c'est la même. Enfin, c'est vous. Exactement. Vous êtes la même boîte. Bien sûr. Bien sûr. La famille à Tirisuc. La grande famille de Tirisuc. Famille de Titi. Mais c'est exceptionnel. Vu que j'ai déjà gratté. Très bon spectacle. En fait, le truc, c'est que j'ai déjà gratté des places pour Starmania, donc je trouvais que c'était compliqué. Ah bah voilà, Starmania aussi. Des places. Starmania, go. Franchement, hyper bon spectacle, hyper intéressant de voir quelqu'un parler de son féminisme à elle, à son âge à elle. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de visibilité. En fait, on entend beaucoup de défis de nos âges ou de 30 ans, 40 ans qui parlent de ça. Une femme de 50 ans, c'est encore différent, je trouve. Ouais. Quasiment 50 ans, elle n'a pas encore 50. Et tellement marrante. Ouais. Tellement marrante. Bah oui, mais c'est là où tu te rends compte que peu importe ce que tu dis, quand t'es marrante comme ça, t'es marrante quoi. Ouais. Juste un talent quoi. Donc tu fais, bah en fait, vas-y, c'est bon, ciao, bonsoir. Et puis, allez, ciao quoi. Vraiment. Ouais, non, mais elle est très, elle est très, et forte, forte, forte. Elle est très, très forte. Ah, ouais. C'est là, franchement, c'est une des meilleures. Enfin, de... C'est une des meilleures parce qu'en plus, elle ne vieillit pas dans le sens où. Enfin, elle vieillit. Ouais. Mais elle vieillit en fait elle vieillit dans le sens où déjà comme du bon vin elle est vraiment encore meilleure plus vieille et surtout elle va pas chercher à faire revivre des trucs d'avant, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que c'est terrible pour nous de voir des humoristes qu'on a admirés et on se dit oh là là ils sortent pas de leur truc, c'est horrible, et puis maintenant ils sont plus tellement juste sur la société. Elle parle de son regard à elle, de sa société, mais dans sa sphère à elle, et en fait ça peut être que juste quoi. C'est ça ce qui est assez impressionnant, c'est parce qu'en plus l'humour c'est vraiment, je trouve, le truc qui vieillit le moins bien, c'est toujours tu vois. Et en plus c'est aussi des métiers où les gens ont beaucoup d'ego, donc ils se posent moins de questions bizarrement, je trouve, les humoristes parfois, tu vois, ils sont dans leur truc, ils disent mais ça marche très bien comme ça, et je la connais pas moi, Florence Foresti, mais je trouve que ces spectacles, je ressens que elle est la même personne. C'est ça qui est incroyable, tu te dis pas oh là là, elle s'est complètement changée et reniée, mais elle est toujours d'actualité, toujours moderne. Toujours. Et puis même, elle, il y a des choses qu'elle peut... retrouver. Ouais. Et puis moi, je me rappelle quand les premières fois que je l'ai rencontrée, on avait parlé d'un perso que je faisais et tout. Puis elle m'avait dit, moi ça, je peux plus faire parce que je sais plus le faire. Je sais plus à quoi ça ressemble. Ouais. Elle parlait notamment d'une jeune un peu Kaira, tout ça. Et je me disais, en fait, c'est hyper smart de se dire, en fait, là, je suis plus dans ce truc-là. En plus, ma réalité, elle est pas la même aujourd'hui, tu vois. Oui, oui. Et donc, c'est quand même génial de composer avec ça, quoi. Ouais, mais d'arrêter aussi de nous faire croire toujours que le quotidien pour ces gens-là, ce qu'elle fait pas du tout elle, et un truc truc de tout le monde. C'est pas vrai. Ouais. Oui, elle va pas faire, elle va pas faire la blague. Dis donc, quand tu vas au supermarché et que le caddie. Ouais. D'ailleurs, moi j'avais une super grande ambition pour elle. Je voulais qu'elle crée un spectacle qui s'appelle Florence Foresti explosée de thunes et qu'elle parle que toi. Qui parle à personne vraiment. Ouais, comme, mais en fait, c'est un peu c'est ce que les gens aiment par exemple chez Booba. Tu vois, les gens, des gens critiquaient Booba en disant ah, il parle plus du quartier et tout, mais Booba il dit toujours, mais parce que c'est mais je crois pas live en fait. Je crois que Booba critique des gens aussi. Hein, si ouais, que... moi je l'adore, Donc, il y a quelques griefs, je trouve super. Il y a quelques griefs, je crois. Sur... Non, mais quand des rappeurs l'attaquaient en disant ouais, t'as oublié les quartiers et tout, lui justement il disait, mais en fait, je vous parle de grosses bagnoles et de meufs et machin, parce que c'est ma vie en fait, enfin, ouais. C'est ce que je fais au quotidien. Et moi j'aime bien quand les artistes, effectivement. Je les trouve pas déconnectés. Je les trouve presque plus déconnectés quand ils essaient de me faire croire, tu vois. Non, mais c'est pour ça, ouais. Moi, j'avais vu Seinfeld quand il était passé à. Quand il y avait Gad Elmaleh et Seinfeld. Ouais, là. En binôme. Ouais. Et en fait, Seinfeld, c'était insupportable parce qu'il essayait justement de dire vous savez, moi, je suis comme vous, hein, machin. Et tu fais mais non, tu es millionnaire, donc non, bien sûr que t'es pas comme nous. Ouais. Parle-nous de ta vie. Et surtout, je trouve ça quand même intéressant. T'es pas juste obligé de dire je suis blindé. Mais moi, j'avais fait une pub pour Gad pour Netflix, pour son spectacle qui faisait à Netflix. Et donc, on était allé à New York pour tourner sa pub. Et en fait, il allait dans des... Donc, il n'est pas connu aux États-Unis. Ouais. Et il allait dans des épiceries et il me parlait de son kiff de ne pas être connu dans un pays. Et ben, ok, ça va toucher pas grand monde. Mais en vrai, c'est bien sûr. C'était très marrant parce qu'il est très marrant. Et c'était très malin et intéressant, en fait. C'était super intéressant. Façon, c'est génial. Comment tu racontes que... Et son kiff, c'était d'acheter une barre chocolatée dans une épicerie, tu vois. Mais genre, il était genre, oh, viens, on va acheter du chocolat. Mais tu sais, un enfant de 8 ans. Je crois pas, que du coup, ce truc, c'est vraiment ça dans tous les spectacles, notamment les stand-up ou les spectacles vraiment où tu te livres quand même beaucoup. Toi, et c'est que quand c'est... ta réalité, ta vérité, en vrai, je pense que ça peut pas échapper aux gens. Et c'est pour ça que c'est très étrange les commentaires. Parce qu'en fait, tu peux ne pas aimer ou pas, c'est comme quand tu regardes un docu, bah c'est là, ça existe. Enfin, tu peux avoir des avis sur la réal, sur ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé. Tu vas pas dire, bah oh, ça, cette famille-là, j'ai détesté, j'ai trouvé vraiment insupportable. Alors, six gosses, bah il y a six gosses, ils sont là, c'est leur vie. Tu vois, donc il y a un truc de. Et là, vraiment pour moi, c'est vraiment son meilleur spectacle pour moi. Et alors, moi, je vais vous conseiller un film, alors un peu moins rigolo, qui s'appelle Une vraie Feston. Famille. Ou la... Une vraie famille ou La vraie famille, je sais plus. Alors, t'as pas préparé. J'ai pas... Non, mais parce qu'en fait, je suis sur Letterboxd et c'est en anglais, alors vraiment. Oh la vraie famille, voilà. Okay. De Fabien Gorgeard avec Mélanie Thierry, Lies Salem. Ah, incroyable acteur, Lies Salem. Alors, Mélanie Thierry est formidable dans le film, mais Lies Salem, qui est peut-être un peu moins connu qu'elle. Acteur de malade, vraiment, il est trop fort. Et il y a aussi Félix Moati et des enfants qui jouent vraiment très très bien. Ah, vous pouvez aller suivre Félix Moati sur Instagram, figurez-vous qu'il a depuis deux semaines et qu'il est ravi de prendre des abonnés. Voilà. Ah oui, oui, ah, c'est. Pas vu ça passer. Et bah écoute, c'est un drame. Famille d'accueil, non, je voilà, crois. C'est un film qui parle des familles d'accueil. Donc c'est une famille qui est un enfant depuis quelques années en famille d'accueil et le père a été. Donc en fait, c'est l'enfant qui a été accueilli, sa mère est morte et le père avait des petits soucis, mais. On t'explique jamais vraiment ce qu'il a, mais tu sais que c'est des problèmes et que c'est pas un tueur, c'est pas un violent, c'est pas juste, il a des soucis et donc l'enfant est placé. Et là, l'enfant, le père va mieux, donc il va retrouver son enfant. Qui joue le père, juste ? Félix Moati. Ok. Ah. Félix Moati. Et donc la famille d'accueil doit laisser, enfin faire la transition pour l'enfant, et la mère le vit très mal. C'est... Ouais, je me rappelle la bande-annonce. J'avais déjà chialé sur la bande-annonce. Bah, tu chiales tout le film. Ouais. C'est très très bien interprété. C'est super intéressant. Moi, c'est vrai que c'est un sujet que je connaissais pas du tout. Le réalisateur, en l'occurrence, parle de sa famille à lui. Je crois que sa mère faisait ça, parce que c'est un métier en fait, hein, de famille d'accueil. Ouais, famille d'accueil. C'est assez fou. Et c'est super intéressant parce qu'en fait. Tu comprends tout, quoi. Il y a tout le truc de. Bah, il est dans une maison avec une famille où il y a des frères et sœurs, et là d'un coup il doit être tout seul avec son père c'est dans terrible. Un HLM. Enfin, bref, et il y a plein de choses comme ça qui sont questionnées, mais c'est jamais. Et ça, c'est grâce à Julien Hirsch et ça, c'est le directeur photo. Ouais. Et il n'y a jamais un traitement justement docu. Qu'aurait pu être peut-être très bien, mais en l'occurrence là c'est très aérien, c'est très beau. Okay. Vraiment tout le monde est incroyable, la lumière est magnifique. C'est sur Canal en ce moment, My Canal, La Vraie Famille, et je vous conseille ce film. C'est aussi quand même un peu mignon et ça te chope. Moi j'adore ça, on parlait d'un peu de stand-up, truc universel. C'est, tu vois, à un moment il fête Noël et donc ça te fait. Ça il y a les enfants qui disent allez dans la chambre et donc il y en a un qui est déguisé en Père Noël et donc tous ces trucs là te rend le truc très vrai, tu vois, t'y crois à fond à cette famille. Mais donc, c'est aussi un peu drôle, mais c'est. Très triste évidemment et les acteurs sont extraordinaires. Mélanie Thierry, elle est incroyable. Dans ce film. Bah, elle est incroyable. Mais de base, hein, mais là dans ce. Mais film, je crois qu'il y a un super film aussi que j'ai pas encore vu, mais avec Virginie Fira. Avec Virginie Fira. Les enfants des autres, je crois. Alors ouais, les enfants que j'ai vu aussi, que j'avais conseillé, je crois d'ailleurs. T'avais conseillé. Ouais, de Rebecca Zlotowski. Ouais. Et bah elle, c'est encore différent, mais pareil. Oui. C'est super intéressant. Ouais. C'est une meuf qui tombe amoureuse d'un père qui a déjà un enfant. Elle est belle-mère et en fait. Elle est belle-mère et elle s'attache à l'enfant. Et pareil, c'est super. Quel beau sujet, les belles-mères et tout. Quelle position incroyable dans la vie en vrai. Moi, j'ai été élevée par un beau-père et une belle-mère en plus d'avoir mes parents. Ah ouais. Et en fait aujourd'hui les c'est des liens incroyables. Enfin ouais. Vraiment c'est fou parce que t'es là, t'es pas là, tu sais, enfin c'est très très étrange quoi. C'est que du sujet passionnant. Ouais, parce qu'en plus il y a beaucoup de je veux pas te déranger, c'est un peu bizarre peut-être encore, mais je pense qu'il y a c'est les premiers alors je sais pas si c'est les premiers films mais c'est un sujet pas du tout exploité dans l'art non, en plus non. Et c'est super intéressant parce que là je te dis, c'est des trucs, je pense, assez basiques quand t'es famille d'accueil, mais vu que tu l'as jamais vu, c'est ouah, tu sais, ça t'explose le crâne, quoi. Donc, il y avait un peu quand même Tony Micheli dans Madame est servie, qui était pas beau-père, au fil des années, c'est quand même. C'est peu. Vrai, c'est vrai. Bah, notre belle famille, ceci dit, c'était des familles recomposées. Bon, je dis de la merde, écoute. Non, mais pas du tout. Non, mais en tout cas, voilà, super film, La vraie famille, c'est sur MyCanal, n'hésitez pas. Écoutez, merci beaucoup, on va faire quand même une dernière petite fois la promo, puisque. Bien sûr. Le spectacle. Donc là, il n'est plus joué au Mathurin, alors on parle. Ce soir, c'est l'avant-dernière. Vendredi, samedi, on joue pour les deux dernières. Elle va avoir, vous allez avoir des bouquets. Ouais. Et après, on va pas tant jouer que ça à Paris, donc parce qu'après, ça sera fini. C'est la tournée donc, là. On va avoir beaucoup de tournées, trois Trianon. Ça, c'est cool. Très jolie salle. Peut-être d'autres petites jolies salles pour finir. Oh, chut. Mais on va faire, je pense, encore. Je passe 10 dates max à Paris. Donc, si vous voulez venir nous voir, c'est le Trianon là en juin. Et pour donner quelques dates comme ça, que je balance, vous serez à Strasbourg, parce qu'évidemment, tu seras aussi là, Cédric, le 29 à Strasbourg, dans ton hometown quasiment. Ah, écoute, je joue juste le jour d'avant à Sosheim, à l'Éden. Ah ouais, Sosheim. Alors, figurez-vous que je suis complète dans pas mal d'endroits en France. Allez. Mais pas à Sosheim. Oh putain. Mais pas à Sosheim. Mais tu sais que moi, on m'a dit que l'Est n'était pas le plus remplisseur de salles, par exemple. Alors là, je suis choqué. Mais ouais. J'ai quand même 10 minutes de sketch en alsacien. Donc je vous prierai d'acheter vos billets. Merci, bonsoir. L'accent est revenu, vous y allez, vous n'hésitez pas. C'est les alsaciens qui nous écoutent. Donc ouais, Strasbourg le 29. Alors ça me vient parce que c'est les petites villes à côté des grandes villes des fois. Donc par exemple Chenôve le 2. Mais en fait c'est vous êtes à Dijon. C'est Dijon. C'est Dijon, Vous êtes à Dijon, le 3 à Annecy. Ah ouais, vous enchaînez bien quand même. Le 11 à Montpellier, le 17 à Toulouse. Il y a du tour du le 3 janvier à Annecy. Hein? 3 janvier à Annecy. Février. Le 28 février à Clermont-Ferrand. Il y a du Tours, du Béthune, du Angers, du Besançon, du Nancy, du Marseille, du Toulouse. Il y a tout. On adore Toulouse. Vous faites toute la France. C'est vrai. Ni plus ni moins. Ça, googlisez Laura Felpin, ça passe et vous trouverez tout ça sur internet. Vous pouvez aussi taper bite de canard. Allez, un mot des sports. Voilà. L'horoscope, le cancer, petite mine. Voilà, Adrien. Non, bah moi, comme d'hab, la bonne auberge qui est revenue. T'as un sublime skincare à recommander. Voilà, faites des tournages avec des maquilleuses qui prennent soin de vous. Ouais. Et non, sinon, bah, après là, je tourne, mais ça va sortir dans longtemps. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais je suis le Jackie Chan français. T'es le Jackie Chan français. Et puis, on peut souhaiter, mine de rien, une bonne année, peut-être, parce que ces épisodes la sortent la dernière semaine de décembre. Donc, ok. Bonne année, les gars. Bonne année. Bonne année, finalement. Et la santé, surtout, parce que sur la santé, on est pas bon. C'est un perso que je bosse, vous me direz. Bonne année, pomme sautée, hein. Oh non, mais arrête tes conneries, toi. Eh, à l'année prochaine. Bon, on jouait pas l'antique. Arrêtez vos conneries. Arrêtez. Vous êtes en train de partir en couille, là. Faut vraiment qu'on arrête l'émission parce que c'est intenable, là. Bon, merci tout le monde. Salut. Merci. Salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.